Nous sommes le 21 de Verdé 1131. Le messager vient de partir. La porte se referme après qu'il vous ait gaiement encouragé à maintenir des relations, entre guillemets. Il était très, très enjoué à l'idée de vous rencontrer. Victor, tu remontes donner la nouvelle à tes amis. Cette nouvelle que Canyon Landini est en train de préparer une réunion avec vous. Vous vous retrouvez de nouveau tous les quatre dans cette pièce récemment meublée pour réfléchir autant du coup sur vos prochaines journées qui, vous savez, risquent d'être assez chargées si cette réunion a bien lieu que sur ce qui s'est passé cette nuit. Vous avez passé exactement la matinée à réfléchir sur ce qui vient de se passer et aucune solution va vous venir. Vous avez passé pourtant, comme je viens de le dire, toute une matinée à vous faire à manger, à discuter entre vous, tout en maintenant ces événements en tête. Genre, je ne sais pas qui fait à manger, mais on sait que Esther gère un peu mieux la viande que Kornilov, qui ne cuisine que de la bouche jusqu'à présent. mais Kornilov a l'air de soutenir que c'est lui qui a envie de faire à manger. Alors, il vous fera manger de la délicieuse mousse, bien préparée pour le coup. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas un plat de gens très riches. Quoi qu'il en soit, la matinée s'est déroulée et rien ne vous est venu. Et il va quand même falloir travailler, parce que malgré tout, vous êtes quand même payé à travailler, vous pouvez pas passer une journée entière juste dans votre bureau à ne rien faire. Et du coup, voilà, je voulais vous poser cette question, hein, ce 21-2 vers 18-31. Vous êtes au début d'après-midi, et est-ce que vous savez un peu comment vous voulez occuper le reste de votre journée, histoire de travailler encore une fois un peu, quoi. J'aurais aimé savoir... Quand est-ce qu'ils m'ont prévu mon rendez-vous avec mon supérieur de top niveau, le ministre en personne Tout à fait. Tu sais que c'est dans les jours à venir, ils t'ont pas donné de date. Ils ont dit qu'ils enverraient un messager et t'as dû donner l'adresse, je suppose, du QG, parce que c'est là où il est le plus probable de te trouver. Ok, merci. Pas de soucis. D'ailleurs, je vais me permettre de le faire à l'aura, hein, c'est comme ça va permettre de... si vous êtes dans le salon plaque d'émission secondaire, je regarde, mais effectivement, je ne les ai pas supprimés, mais votre ami Hugo, la veille, avait passé son après-midi à faire le tri sur les plaques, et donc celles qui sont considérées comme périmées, ce genre de choses, il a essayé de les virer. Du coup... J'aurais une autre question parce que j'avais. Je sais plus. Oui, vas-y. Vas-y. En plus. J'avais noté 25 de Verdé et 15-3. Alors, il me semble que le 15-3 Verdé, je l'ai noté parce que c'est la date de réunion sur laquelle il faut enquêter. Justement, c'est une des plaques secondaires. Oui, tout à fait, oui. Donc, tous les 15 du mois, donc je me suis dit, il faudrait peut-être la placer. Je sais pas si tu te rappelles à quoi correspond le 25. Le 25 quoi ? 25 de Verdé. Ah oui, d'ailleurs, il me semble que c'est plutôt le 24, mais c'est le départ de Sophia. Voilà, ça doit être ça. Merci. Bon, ça, du coup, je la laisse, que vous êtes en train de vous occuper. Alors, Russicio, vous préférez que je la laisse, que vous êtes en train de vous occuper, ou vous préférez la fondre, parce qu'en soi, vous êtes déjà dedans? On la fond quand on la conclut. On la fond, symboliquement, c'est assez fort. Russicio, c'est la dépressive alcoolique, non? Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, j'ai eu deux avis différents. c'est laquelle? J'ai pas entendu ce que disait Cornelius. C'est la Russessio, c'est la dépressive que Victor est en train de s'en occuper. Ouais, c'est ça. Ah oui, attends, on peut mais moi, c'est important pour moi, celle-là. Non, on peut la faire fondre. Mais... La plaque, oui, pas voilà. Ah, la plaque, oui, la plaque, tu peux y aller. oui, la plaque. Je parle que de plaques. Donc voilà, il vous reste 4 plaques, ce sont celles que vous considérez comme étant encore d'actualité. Voilà, ça peut vous aiguiller pour répondre à ma question, que je répète. Savez-vous comment vous voulez occuper votre après-midi qui vient? Sachant qu'il faut quand même travailler de temps en temps. J'allais dire, je vais encore trier les plaques, mais je pense que là, on a... Oui, au bout d'un moment, vous n'avez pas eu tant de plaques que ça. Donc effectivement, c'est trié déjà. Il aime trier des trucs. Ah, je peux pas travailler si c'est pas organisé, rangé à un niveau. Vous avez des missions en cours, n'oubliez pas. Je sais que certains en prévoyaient. ça peut être le moment. Si vous avez des trucs que vous pouvez faire en groupe en plus. Tu peux nous redire la. On sait pas, on n'a pas de DAS, non, pour ce fameux rendez-vous des hauts pontes. Alors. De quoi parles-tu exactement là ? Excuse-moi. Ce dont on vient d'être averti par le messager. On a ah, pas de DAS, oui. Non, il n'y a pas de date. C'est juste LCO, je vous rappelle, qui vous a prévenu de faire gaffe parce que le prochain jour, vous risquez d'être convoqué assez rapidement pour une réunion avec une personne pas si sympathique. On conclut du coup que vous n'avez pas de particulièrement de... d'activité. Moi, j'ai quelque chose à proposer aux gens. Vu qu'on va sûrement se faire convoquer dans un temps inconnu, il vaut mieux qu'on reste assez fixe, donc pas une mission mobile, du genre accompagner des plaques végétales qui traversent toute la ville. Ça vaut mieux l'idée. Et du coup, il y a celui qui a un quartier très précis, c'est le quartier du Glyphe, où j'ai moi-même des contacts proches, où on pourrait très bien déjà commencer par poser une question, vu qu'ils y habitent, et j'y habite. Ouais, c'est pas. La mission avec la machine hérétique, je sais pas quoi, a priori, il y en aurait une. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça peut être une très bonne idée. Alors, en résumé, c'est aller au quartier du Glyphe, qui est un quartier artistique plutôt de ville, au bonheur du coup. Et du coup, il y a une invention qui a été non autorisée, qui aurait été repérée, et on demande tout simplement d'aller voir un peu ce qu'il en est. Et bah, allons-y. Parfait, du coup. Vous êtes d'accord, on va pouvoir faire ça. Vous décidez, tous les quatre, de partir. Vous prévenez Sophia que vous allez au quartier du Glyphe, comme ça, si jamais il y a un messager qui arrive, il pourra savoir où vous êtes. Ouais. Vous traversez, toujours en vélo, des vélos déjà bien améliorés par Esther, hein, et qui vous permettent de traverser assez rapidement les quartiers. Vous voyez qu'il y a vraiment un gain de temps. Déjà, à la base, il y a un gain de temps d'être en vélo, mais il y a un gain de temps assez supplémentaire grâce aux modifications d'Esther. Mais... Dire ce que vous en pensez. Le plus important, c'est toujours remarquer que la majorité des gens continuent à ne pas utiliser le vélo, alors que c'est quand même un objet très très pratique. Vous vous en doutez qu'un jour, sûrement, toute la ville sera en vélo. Ou peut-être ce sera interdit parce que ça pèsera trop lourd, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, vous arrivez du coup au quartier du Glyphe. Est-ce que... sur les contacts... Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Pourquoi ce sera lourd? Non mais, c'est un peu la blague, mais si jamais il y a tout le monde qui a un vélo, tu vois. Oui. Non, pas le vélo en lui-même, hein. Ça va. Si on peut supporter des humains, on supporte le vélo. C'est justement ce que je me disais, mais ça n'a pas de sens, mais du coup c'est juste mon second degré qui... Bref. Tu peux continuer. Il n'y a pas de soucis. Du coup, le... oui, vous avez vu au quartier du Glyphe et Carnivore, tu parlais de contact. Dis-moi du coup où tu veux mener tes amis pour commencer votre enquête. Eh bien, je pense que si on veut entendre parler de rumeurs, il faut mieux aller voir quelqu'un qui habite au Glyphe. Et, bon, techniquement, j'habite. Oui. Et du coup, on peut aller voir donc, mon époux qui habite là-bas et qui a peut-être entendu des trucs. Tout à fait. Tu décides donc de ramener le groupe chez toi. Tu vas leur faire découvrir. Tu es sûrement la première personne à faire découvrir ton foyer. Oui, c'est vrai. Tu vas t'y rendre et je vais te laisser du coup la main pour décrire un peu ton foyer avec tes mots à toi pour te donner un peu l'ambiance que tu veux. Et si tu veux aussi décrire un peu ton mari, comme ça tu peux leur donner une image un peu de qui il est. Eh bien, mon lieu de vie, donc, que j'ai beaucoup visité dernièrement, vous en êtes sûrement très conscient. C'est tout simplement un appartement qui est au deuxième d'un bâtiment de trois étages, et dans un style assez simpliste. Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est que c'est vraiment, mais vraiment pas semblable à ce qu'on pourrait imaginer d'un appartement venant de Cornélo. C'est presque comme s'il n'y habitait pas et que j'ai été décoré par la personne qui y habitait. Personne qui y habite, ce qui est donc... Antonio Wyszynski, qui est donc mon époux, qui a 31 ans, donc beaucoup plus jeune que moi, qui est, pour ainsi dire, quelqu'un d'assez... d'assez maigrichon, sans être non plus squelettique. Il a des cheveux blonds, qui sont plus souvent coupés en... coupés très courts. Il a des lunettes très rondes. Et si ce n'est ça, rien ne transparaît plus de lui. C'est quelqu'un d'assez ordinaire. Très bien. Vous rentrez donc tous les quatre dans ce petit foyer dans lequel Kornilov passe effectivement beaucoup trop de temps. On est tous d'accord là-dessus. Quand tu rentres, Kornilov, tu vois que ton mari est en train tout simplement de faire le ménage, en train de s'occuper un peu de ce foyer. Et quand il te voit, il fait... D'ailleurs, est-ce que vous avez un surnom entre vous ? Comment vous appelez habituellement ? Ou est-ce que votre relation est... Restez sur les prénoms ? Ok. Tu vois qu'ils sont... Oh, Kornilov ! Je ne t'attendais plus. Oui, j'ai eu quelques problèmes au boulot. Je pouvais pas me permettre de passer par ici. Ah, je me doute. Bien enchanté, là il s'adresse plutôt à tes droits accompagnants, bien entendu. Bonjour. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Kornilov m'a beaucoup parlé de vous. Oh, j'en suis flatté. Eh bien... est-ce que vous voulez boire quelque chose, une petite absinthe, quelque chose du genre, un alcool un peu plus raffiné ? Je ne refuserai pas une absinthe. Également. Sans façon, merci. Et qui vous sert des petits verres, hein, et puis il n'est pas là non plus. Vous prendrez une bouteille, s'il vous plaît. Ouais, je voudrais un fût. Des petits verres. Il n'est pas là pour vous saouler la gueule, c'est plus ce que t'offres comme ça en politesse qu'autre chose. Et tu vois qu'il revient vers vous. Alors, que me vaut la visite ? Je me doute si tous tes collègues sont là, c'est que il y a une raison. Oui. En réalité, je suis même pas encore censé repasser par ici parce que situation qui m'en empêche sont toujours actives. Mais je travaille sur une affaire en ce moment qui est dans le quartier. Et je me suis dit que peut-être t'avais entendu quelque chose. On entend beaucoup de choses sur le quartier. Dis-moi un peu ce que tu cherches. C'est une affaire a priori de machines d'invention non autorisées. Le scientisme, ce genre de choses. Est-ce que tu me lancerais 2d6 pour ton compagnon, s'il te plaît ? Parce que j'ai pas mes dés sous la main, donc fais-le pour moi. Oui. Merci. C'est un 8 si je compte que les dés. J'ai pas sa fiche parce que j'en ai pas. Ça, y a pas de souci. Je n'ai pas créé sa fiche non plus, mais j'ai des moyens de MJ. Quoi qu'il en soit, tu vois son visage semble s'éclaircir. Ah, mais vous êtes. Je devais m'en douter. Le ministère n'allait pas passer ça. Ouais, ça va faire une lune. On se demandait si c'était finalement autorisé. Il y a. Oh, tu connais. Je sais pas si tu connais exactement les gens qui traînent par ici, mais Milo, tu vois qui est-ce ? Ça me dit rien, je crois. On avait passé déjà des soirées avec lui. Il est souvent à l'auberge à Bellevoix. Bon, quoi qu'il en soit. Milo, c'est un grand photographe, il adore ça. Il prend énormément de photos. Il est un des seuls à penser que c'est quelque chose de véritablement plus qu'un divertissement de bassesse. Et en trafiquant sa machine, il a réussi à faire en sorte que les images bougent. Si j'avais un café actuellement, je le recracherais. Non, en vrai, je regarde perspicace. On est d'accord, pour nous, une caméra, c'est complètement quasiment inconstant. Tout à fait. Pour l'instant, ouais. Vous êtes à la photographie et c'est la photographie à l'ancienne encore. Hein. Du coup, je me sers en verre. Et j'écoute. C'est fou. Bon, ça dure 4-5 secondes, mais ces images, elles bougent, elles s'animent comme quelque chose de vivant. Et bon, évidemment, quand il a découvert ça, ça s'est pas trop habitué. Tu te doutes bien que t'es dans le métier. On avait un peu peur des réactions, mais il a commencé à faire des petites projections dans le quartier. Mais vous l'avez vu de vous-même ou on vous l'a dit? Mais je l'ai vu, j'y étais... Enfin, j'espère que ça ne me posera pas de problème, mais j'y étais pas plus tard qu'il y a 4 nuits de ça. Il a fait une petite projection privée, justement à l'auberge de la Bellevoie. Donc là, je regarde Cornelius pour voir si lui a l'air d'y croire ou s'il a l'air d'être... de pas en gober un seul mot. Eh bien, si vous essayez de lire sur mon visage, vous pouvez voir qu'a priori, ce qu'il dit, j'y crois. En tout cas, si je n'y crois pas, je ne vous en montrerai rien. Du coup, je réponds simplement... j'ai aucun souvenir de ce type, on y a parlé souvent. Je ne voudrais pas que ça attache mon dossier, ça. Souvent. On a fait quelques soirées ici et là. Des fois, des soirées... agréable, mais non, j'ai eu plus de contact que toi. Toi, tu... Oh, t'as 2-3 coups à boire, mais rien de spécial, non. Et il est souvent à cette auberge? Souvent, oui, il y traîne pas mal. C'est pour ça qu'il a réussi à avoir une petite salle privée. Mais après, bon, il travaille, hein, forcément. Il est souvent aussi dans son... Il est souvent dans son atelier, aussi. Tu as des adresses? Bien sûr. Ouais, l'auberge de la Bellevoie, tu connais, hein. Ouais. C'est à 2 rues d'ici. Et lui, il habite à telle adresse. Il te donne un nom d'adresse qui se trouve en fait juste derrière l'auberge de la Bellevoie. Ok. Vous savez si c'est là où se trouve son atelier aussi ou... Oui, je viens juste de le donner à Cornelov. Très bien. Vous pouvez me répéter son nom, s'il vous plaît? Milo. Milo. Milo, parfait. Et l'auberge de la Bellevoie. Exactement. Mais, vous serez indulgent avec lui. Tu sais, c'est juste une invention qui a mal tourné à la base. Enfin, je me doute bien que vous n'allez pas pouvoir le laisser, et il s'en doute aussi, mais... Ouais, c'est un gentilhomme, Milo. Il y arrivera, rien. Dit-il en rigolant à moitié. Milo comment? On l'appelle juste Milo, je connais pas son... D'ailleurs, c'est même pas son vrai prénom, hein. C'est un surnom. Hein. Il est juste photographe à la base, vous dites? Oui, c'est ça, c'est un photographe, il aime beaucoup fabriquer ses propres appareils, et c'est comme ça qu'on a fini là-dessus. Enfin, si vous pouvez le voir avant de détruire l'invention, parce que, bon, je sais bien, oui, c'est votre métier. Oui, le voir avant de détruire l'invention. Mais je vous jure que c'est impressionnant. Je pensais pas qu'on puisse arriver à quelque chose comme ça... Incroyable. Non, mais de toute manière, on lui fera rien de... Tant qu'il résiste pas quand on récupérera son matériel. Bien sûr. C'est gentil pour lui. Le quartier l'aime bien, vous savez. Ouais, il paraît. Vraie question, est-ce que c'est illégal? Enfin, on est d'accord, du coup, la machine est à peu près illégale? Oui. Est-ce que c'est... une des représentations de la machine. Du coup. Pardon, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Si la machine est quand même vachement illégale d'être allé assister volontairement à une de ces transmissions, non? J'ai bien envie de dire oui ou non. À vrai dire, vous avez pas de... Il n'y a pas de loi écrite. Hein, ouais. En vrai dire, c'est le scientisme qui fait que c'est interdit. Qui fait que voilà, je t'appelle, ça permet de rajouter un peu du background, et, ouais, y compris pour les spectateurs qui n'ont jamais lu les de quoi écouter, enfin lu de quoi commencer la campagne, mais le scientifique, c'est ce qui règne sur l'univers des crimes, et c'est un peu gouverné par la peur de la technologie, parce que c'est la plus grosse des théories, c'est que les crimes viennent d'une évolution technologique qui a mal tourné. Et donc, maintenant, on a laissé le progrès, mais on se dit, on va mettre des barrières. Il est interdit d'évoluer au-delà de cette étape-là. Et typiquement, la photographie était autorisée. Et vous doutez bien que la photographie qui bouge, ça n'a pas l'air d'être le cas. Okay. Pour l'instant, je rappelle que la plaque de mission, elle vous dit juste qu'il y a peut-être une invention qui a été détectée et ça vous demande d'aller enquêter. Elle ne vous dit pas forcément d'intervenir. Vous avez le droit d'intervenir. Hein. Mais voilà. On n'est même pas obligé. Oui, voilà, en soi, vous n'êtes pas obligé d'intervenir, mais après, par exemple, pour Kornilov, qui habite ce quartier, c'est peut-être mieux pour lui de le faire en ayant connaissance de ça, et par exemple, le fait que son compagnon ait déjà assisté, que peut-être donner ça à des métropolites, peut-être un peu plus sadiques. Voilà. Bon, du coup, dans le doute, je vais arrêter le compagnon de Kornilov. dans le doute, on ne sait pas trop. Non, mais voilà, dans le doute, on va le condamner. Vous n'avez pas de question à Kornilov. Regarde, avec sa petite tasse. Je préfère indiquer, voilà, vous n'avez pas d'obligation, véritablement les missions sont ce qu'elles sont, donc si on vous demande juste d'enquêter, vous avez juste à enquêter, mais vous avez le droit d'intervenir aussi. Ouais, c'est très premier degré comme ordre. Tout à fait, pour le coup c'est premier degré. Comme tout à l'heure. Voilà. du coup, parfait. Moi de mon côté, je commence à y aller sans perdre un instant. Ouais. Parfait. Très bien. Eh bien, je suppose que le groupe te suit. Kornilov, est-ce que tu fais un... Oui. Ça vaut cher, les appartements dans le livre ? Plutôt, on est dans plutôt de la haute ville. On n'est pas dans la très haute ville. Hein. T'es pas parmi les... Mais on est quand même plutôt dans la haute ville. On est exactement en basse haute ville. Voilà. C'est la frontière, c'est... j'imagine. Ouais, voilà, c'est un peu comme vous. En fait, c'est exactement comme votre QG. Donc, oui, ça coûte quand même un peu cher parce que t'es dans la haute ville comparé à toi, par exemple, qui loue un truc en très basse ville. Enfin, t'es en basse ville, t'es pas en très basse ville parce que c'est vrai que c'est fait une frontière nette entre les deux, mais. Oui. T'es quand même assez proche de l'écrime en lui-même, je veux dire. Et du coup, c'est vrai que toi, ça coûte vraiment une poignée de pain par mois. Là où ça commence à se compter en lige. Et si t'as pas, comme les métropolites, un salaire de 30 liges par mois, ça devient très compliqué, quoi. Okay. Voilà, pour répondre à ta question. Et du coup, Cornelio, je voulais juste savoir quand tu pars. Est-ce que tu pars avec ton groupe en mode allez, on y va, ou est-ce que tu as quand même un petit geste d'affection vers ton compagnon ou pas ? Alors, un geste, je sais pas. Mais en tout cas, je lui demande, c'est de ton côté, ça va en ce moment ? Oui, je fais des travaux dans mon appartement, comme tu peux le voir. T'as besoin. D'argent ? Pas pour le moment, je m'en sors, je travaille. Non, pour l'instant, c'est pas. Ok. Bon, de toute manière, je crois que tu sais me trouver. Si t'en as besoin. Oui, oui. Bien entendu, bien entendu. À bientôt, j'espère, alors j'imagine. J'espère tout autant. Et du coup, tu t'en vas. Oui. Vous remarquez quand même. Les trois autres, que c'est une relation visiblement très forte. Hein. C'est vraiment le grand amour. Hein, pour ces Il transpire la passion et la joie de vivre. Là, typiquement, on est dans l'amour rêvé. On est dans du André Breton. C'est convulsif. C'est incroyable. Hein. C'est le plus grand des amours que vous avez jamais vu. Pas grand chose. Ah, ça fait deux semaines que c'est pas vu. Oui. C'est voilà. Vous êtes sur de la relation. Enfin, je veux dire. Je veux pas exagérer le trait, mais quand même plus d'amour entre Esther et son lézard, mais... j'ai pas un truc de... Et on en a pas parlé depuis la session. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, vous sortez de là et vous vous dirigez vers les adresses. Est-ce que vous allez à l'auberge à Bellevoix ou est-ce que vous allez directement chez l'atelier de Milo ? Est-ce que vous avez eu un contact, c'est bien, bravo, qui vous a permis d'avoir les adresses sans galérer pendant des heures ? Je vais valider des contacts, non. à cette heure-là, il y a plus de chances qu'il soit chez lui, du coup. Oui, vous êtes en début d'après-midi, effectivement. Ouais, et puis il y aura moins de monde, donc j'imagine qu'on attirera un peu moins l'attention, ce qui est toujours bien. Et puis vous êtes en train de. Enfin, quoi qu'il en soit, les deux sont à une ruse d'écart, donc le décalage n'est pas si énorme. Mais est-ce que vous êtes d'accord, du coup, avec Esther pour aller d'abord chez Milo ? Oui. Oui, ouais. Allons-y. Alors que vous avancez pour aller. Chez Milo, dans son atelier en tout cas, Kornilov, toi tu continues à réfléchir parce que malgré tout, avec tous les trajets, etc., t'as quand même une très grosse pensée par rapport aux événements qui se sont passés. Je veux dire, c'est parce que vous travaillez que vous mettez à oublier tout ce qui s'est passé. Et alors que t'es en train de réfléchir, donc tu répètes en boucle les phrases que t'as entendues la veille, tu répètes. Tu cherches, tu fais des liens. C'est vrai qu'Esther avait parlé de lier la beauté par autre chose, ce genre de choses. Et à force de répéter, il y a quelque chose qui te vient en tête. En vérité, je ne connais pas ton raisonnement, mais on va dire que celui-ci correspond pour faire de manière simple dans la narration. Tu te répètes les phrases et ce que tu remarques surtout, c'est que la phrase, mais la beauté, ce n'est pas ce qui est important, est forcément un indice. Il faut bien comprendre que ces prostituées qui ont travaillé pour vous ont dû vous faire comprendre qu'elles vous faisaient passer un message, que ce message devait être séparé pour pas qu'il soit compris, et que ce message, bah, il fallait vous donner la clé de compréhension. Donc, la clé de compréhension se trouve forcément dans le message. Et toi, tu cogites là-dessus. Donc, cette dernière phrase, qui semble tout conclure, ne rentre pas dans la suite des phrases qui commençaient toujours de la même façon. Donc, c'est sûrement que c'est ça la clé. Et à force de te répéter, tu te mets à réduire, c'est-à-dire que les phrases qui se répètent, les « Hey, joli cœur, tu veux un moudou », tu le retires. Et tu en viens à retirer aussi la beauté pour essayer, et il te reste du coup qu'un morceau de phrase que je peux te laisser le dire, par contre, pour le roleplay, au moment où tu réalises, puisque je sais que toi, joueur, tu sais ce qu'est cette phrase, et au moment où du coup, tu vas pouvoir en parler à tes amis. Oui, c'est vrai, maintenant, toi aussi, mais malheureusement, dans ma préparation de session, il n'y avait que Cornigov. Toi, tu vas le comprendre au moment où il va faire « Hey les gars, j'ai trouvé !» Tu vas faire « Mais oui, oh, mais oui !» Et je vais le dire avant lui. Non, je laisse à Cornigov le choix dire la phrase. Du coup. Tu feras pas ça parce que je vais pas dire « Tiens, j'ai trouvé !» Je vais directement dire la phrase. Et bah du coup, je dis « J'ai trouvé !» Cornigov, on t'écoute. Et donc, pendant qu'on marche dans la rue, il vous surveille. Prudence. Pardon ? C'est ça la solution. Quoi ? Et à ce moment-là, moi je m'arrête un petit peu, quelques secondes, et il me faut pas longtemps avant de retracer le truc. Je réouvre légèrement mon carnet, et je regarde les phrases, et en effet, j'arrive également par élimination à comprendre son raisonnement. Et je le referme d'un seul coup, et j'ai une espèce de grosse sueur froide. Ah, carnet de tir, du coup, mais ça me va. Oui, c'est vrai, désolé. Le carnet que j'ai hier, elle est pas. Eh oui, mais on va dire un petit carnet de cire que t'as pour noter des trucs très importants. Que tu dois juste pas approcher de flamme, c'est tout. Qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un nous surveille et il, vu la situation dans laquelle on est, j'imagine qu'on peut rapidement savoir qui c'est. Mmh. C'est il, Procedimento. Ils n'ont pas dit Procedimento. Non. Oui, non, mais merci. Ouais. Non. Prudence. Et autre question que j'ai. Enfin, en tout cas, réflexion qui me parvient actuellement. Pourquoi est-ce qu'elles nous l'ont dit comme ça, découpé en plusieurs phrases, quitte à risquer à ce qu'on n'ait pas l'information et pas directement d'un seul coup? Est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'ils nous surveillent au point où ils seraient vraiment pas loin? Il y a de fortes chances que oui. Parce que sinon, pourquoi... À ce moment-là, je me retourne dans la rue et j'essaie de regarder les silhouettes autour de nous. Tu te retournes? Et malheureusement, ou heureusement, tu ne sais pas trop, faut pas oublier que vous êtes toujours dans un monde surpeuplé. Et quand tu regardes autour de toi, tu vois beaucoup de gens. Il y a des gens à l'arrêt, il y a des gens en train de marcher, des gens en train de parler. Je les regarde tous les uns après les autres, j'essaie de dévisager tous ceux qui passent près de nous, ceux qui ont l'air d'être cachés, tu sais, peut-être derrière un chapeau ou un truc, ceux qui sont assis sur des bancs, enfin... Tu t'attardes vraiment sur chacune des personnes. En même temps, c'est vrai que tu étais la personne la plus prudente jusqu'à aujourd'hui. Les autres ayant eu assez peu de preuves là-dessus. Et quand tu regardes vraiment chacune des personnes, tu te dis qu'en fait, si jamais il est juste en simple citoyen, ça va être un peu dur de savoir que c'est lui. Parce que il y a malheureusement, encore une fois, plein de personnes. Et voilà, tu t'attardes vraiment sur eux, je le prends en compte. Mais... personne te saute vraiment aux yeux, ou plutôt tout le monde te saute aux yeux, si tu préfères. Oui, tout le monde pourrait être louche. Tout à fait. À sa manière. Exactement. Juste, je sais pas si on peut savoir ça après, mais du coup, toutes ces prostituées, on est sûr qu'elles étaient de la maison Bécani, ou pas? Ou alors elles auraient pu très bien être de n'importe quelle autre maison, on sait pas, on peut pas savoir. Bah moi je peux répondre en tant qu'MJ, mais ça aurait pu, ouais, effectivement, Cornigov a raison, ça aurait pu être n'importe qui. Ouais, mais en soi... Et de souvenir, elle s'est effondrée de toute manière, la maison Bécani, récemment. Non, là tu confonds avec une autre maison. Bécani, c'est actuellement la maison la plus importante. Ah, c'est celle qui a remplacé celle qui s'est effondrée, d'accord. Exact. et qui était déjà en opposition avec l'autre, dont j'ai pas le nom sous les yeux, je suis désolé, au pire, elle est dans la nouvelle. voilà, lisez la nouvelle, c'est écrit dedans, parce que je l'ai pas sous les yeux, je suis désolé. Et, mais le... voilà, c'est juste, voilà, quand l'autre a chuté, elle en a profité, elle a pris toutes ses parts, et donc du coup, c'est aujourd'hui la maison vraiment la plus imposante et très très influente. Eh bien, mes chers amis, je pense que le message a été compris et nous allons maintenant faire très attention. Oui, et bien sûr, je viens de tous vous amener chez mon mari. Ah, bah écoute, il fallait résoudre l'énigme avant. je regarde juste Victor sans lui répondre, et je le regard en continuant. oui. Moi, à ce moment-là, j'éprouve quand même un soulagement d'avoir changé les serrures de mon appartement et également de notre QG. Tout à fait. Et surtout d'avoir ajouté le mécanique de code, hein, parce que le Digicode. Tu sais que maintenant, elle est beaucoup plus en sécurité, Sophia, ouais. Pour le coup. Quoi qu'il en soit, vous continuez de marcher, vous en discutez un peu encore si vous voulez, mais vous finissez par arriver très rapidement, en fait, à l'atelier de Milo. L'atelier, il se trouve à l'étage, en fait, hein, c'est un bâtiment de 3-4 étages, et vous pouvez accéder directement, parce que comme voilà, l'atelier est fait pour accueillir des gens, il y a des escaliers qui ont été construits. Alors, des petits escaliers de fer, hein, c'est vraiment un truc de fortune, hein, mais qui a été construit pour permettre d'arriver directement au premier étage, là où il y a l'atelier de Milo. Je vous laisse, du coup, me dire comment vous y allez. Est-ce que vous y allez directement, vous toquez, est-ce que... Oui, je pense qu'on toque. Ok. Vous montez, et face à l'énorme porte de métal, vous prenez l'heurtoir, hein, et vous toquez. Vous voyez rapidement la porte s'ouvrir, et révéler un homme un peu âgé, pas tant que ça, hein, vous mettrez sûrement un peu plus vieux que Kornilov, hein, et un peu plus vieux que Kornilov, les cheveux bien grisonnants, pas de pilosité faciale, des cheveux assez courts qui partent en pétard, hein, et il est actuellement en fait avec une petite loupe à l'œil colorée qui lui sert sûrement pour la photographie. Il ouvre. Ah, petite question juste avant, excusez-moi, est-ce que vous êtes un métropolite? Quoi, justement. Je me posais exactement la question. Pour moi, ouais, oui, du coup, quand même. Ouais, on est mais, ouais, pareil. Je pensais qu'avec la femme, on vient d'accord, finalement, c'est pas mieux, mais bon, bah. Très bien. Vous voyez qu'il ouvre et. Ah, bonjour, excusez-moi, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, bonjour. Vous êtes bien. Ah, Kornilov, c'est. Ah. Bah oui. Je savais, c'est vrai que ton mari m'avait prévu, j'avais totalement oublié que je peux faire quelque chose pour vous. Oui, nous laisser entrer pour commencer si tu veux bien. Bien sûr, tu vois qu'il se décale et il vous laisse entrer. Bonjour, avec plaisir. Je regarde ces appareils s'il y en a qui traînent à droite à gauche. Enfin, donc je les rentre. Tu vois que l'atelier c'est effectivement rempli d'appareils, de toiles, de trucs en train d'être... d'être étendu pour sécher, etc. Il y a une chambre noire juste à côté. Enfin bref, on est sur on est sur des gros appareils, on est sur la vieille photographie, il a plein d'appareils, vraiment des plus petits qu'il fabrique lui-même, etc. Tu vois que vraiment les murs sont jonchés de morceaux de métal, de choses comme ça. C'est vraiment un bon atelier, bien un bordel, vous sentez que c'est un bordel organisé. Oui, qui vous fait rentrer. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'asseoir. Il y a voilà, ce petit divan là. Il n'y a pas place pour tout le monde. Je vais rester debout, ne vous inquiétez pas. De même. Okay. Très bien. Bien, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Oh, vous vous en doutez. Ah, vous venez pour ça. Hein. Nous aimerions le voir, s'il vous plaît. Bien sûr. Enfin, vous savez, Je me doutais bien que ça ne serait pas forcément autorisé, mais je n'ai pas fait exprès. C'est une erreur de manipulation qui a donné ça. Et bon, oui. Justement, vous allez nous raconter en détail ce qui s'est passé. Et... Bien sûr. Tu vois que. Bon, là, pareil, moi, je m'assois s'il y a de la place, du coup, et j'écoute attentivement ce qu'ils s'apprêtent à nous dire. Quitte à prendre des notes sur mon petit carnet de. Très bien. Vous voyez que il va vers un petit layette et l'ouvre tout simplement et sort de layette une machine, enfin un morceau de machine qui l'amène à vous. Et puis il retourne dans un deuxième layette, alors layette c'est des petits coffres hein, si vous préférez, qui l'ouvre aussi et amène un deuxième morceau de machine qui commence à s'assembler devant vous. Voilà, ça fonctionne en deux parties. Il y a une partie qui enregistre et l'autre qui permet de projeter les images. La deuxième partie qui permet de projeter, je l'ai fait après. Vraiment le cœur de la création, c'est évidemment l'enregistreur. Je lui tourne la main pour lui demander de me la donner et essayer de l'inspecter pour voir ce qu'il dit a l'air véridique. Tu vois qui tend la machine. Alors, machine est quand même assez volumineuse. Hein. Une fois les deux petits morceaux assemblés, ça commence à faire une machine plutôt respectable. Et tu vois, tout simplement, qui commence à raconter. Bon, vous savez, j'aime beaucoup fabriquer mes propres appareils photo. C'est quelque chose qui me passionne. Je crée l'armature. Après, j'achète les fournitures nécessaires à la prise de photo. Et la photographie est un art... que je trouve très intéressant. Je sais que c'est très peu utilisé, mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à en faire. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été ravi que ce soit autorisé par le ministère. Et voilà, je fabriquais mon petit appareil comme d'habitude. Et c'est de simples erreurs de manipulation, à vrai dire. Mon premier appareil manquait de manquait de place en fait pour faire venir tout simplement le matériel nécessaire à prise de photo. Alors je l'agrandis et en l'agrandissant, je me demande s'il n'y a pas moyen d'accélérer un peu, vous savez, la prise de photographie. Vous savez, c'est quelque chose de très long. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris en photo dans votre vie. En tout cas, à Venise, ça m'étonnerait pas. Il y a tellement d'artistes qui explorent cet objet scientifique. Mais. Voilà, j'essaie de d'accélérer peut-être le processus, parce que c'est toujours très lent, très fastidieux. Et je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer ? Alors j'essaye, et lorsque j'essaye, ça ne fonctionne tout simplement pas, les photos sont pas jolies, etc. Alors je me mets à installer un système à base de matériaux réfléchissants, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, avec la multiplication que j'ai créée, de possibilités de matériaux, parce que je me suis dit, si je peux pas le rendre plus rapide, je peux le rendre plus résistant au temps, et j'ai voulu pouvoir avoir plusieurs unités, si vous préférez, dans le même appareil. Et voilà, il y avait plusieurs appareils, il y avait ce système miroir, et quand j'ai essayé, en fait, la photo a activé, enfin, l'appareil a activé tous les appareils, ça a créé un décalage dans le temps, en fait, une image par seconde, je crois. Et ça donne... Ça donne, du coup, quelque chose de mouvant. Alors, c'est saccadé, c'est pas très vivant, hein, mais ça bouge. C'est comme une suite de photographies, mais dans la même... Alors, je ne peux pas imprimer, c'est pour ça que j'ai dû mettre un système de projection... par chance, on arrive plus ou moins à gérer ça, mais bon, c'est pas très joli. Enfin voilà, je peux vous montrer si vous voulez. Et vous appelez ça comment ? Je j'ai pas de nom. Un inventeur donne toujours un nom à son invention, n'est-ce pas, Esther ? La photo Milo ? Femme. Oui, je comprends, ça serait malvenu de ma part. Voilà, c'est... Enfin, voulez-vous que je vous la montre en... C'est comme vous le souhaitez. Allez-y. Très bien, tu vois qu'il te la reprend des mains. Est-ce que quelqu'un veut être pris en photo ? Allez, go ! Vas-y, t'es un artiste, toi. C'est une photo, hein. Ce n'est pas... C'est une photo qui bouge, quoi. Et on comment dire, vos images, on peut les détruire après, enfin... Ah oui, à vrai dire, j'ai beaucoup de problèmes pour les conserver, parce que tout est sur la même unité, et ça... Bah en fait, ça ne tient pas plus de projection, après ça crame, et... Eh bien, allons-y, dans ce cas-là. Très bien. Tu vois qu'il le place sur un trépied qui va chercher rapidement, donc quatre petits pieds posés qui va permettre de mettre l'appareil dessus. Tu vois qu'il se met en dessous. Quand je vous le dis, bah, faites un mouvement de la main, quelque chose du genre. Tu vois qu'il commence à se préparer, il fait des réglages. Ça dure quand même quelques minutes, hein, ça reste quand même très lent comme mise en place. Et au bout de 10-15 minutes, il te dit, voilà, vous pouvez y aller. Quel mouvement tu vas faire, Hugo, pour savoir un peu Eh bien, je vais lever la main et faire coucou. Je comprends l'action, elle est très très osée de ta part. Tu vois qu'il y a un énorme bruit, un peu d'explosion. Hein, je ne sais pas qui parmi vous, je pense que s'il y a une personne qui est un peu habituée à la photographie, c'est surtout Victor, parce que c'est à Venise, c'est quand même assez commun. Ah, c'est commun. C'est plus commun en fait qu'ailleurs sur la toile. Mais bon, c'est pas non plus la photographie qui court partout dans les rues. Mais vous trouvez plus facilement des photographies que du café à Venise. Pour dire une échelle de valeur sur ma pénurie et pas de pénurie. du coup, tu fais un coucou de la main. Il y a cette énorme petite explosion, ce gros flash avec une lumière qui est branchée. Et il te dit de continuer. Et au bout de 5 secondes, il relève. Et voilà, normalement, ça devrait y aller alors. Il faut attendre que ça s'imprime bien, donc il faut attendre une petite heure, et après ça peut être projeté. Vous voulez que je vous offre quelque chose à boire en attendant? Vous voulez peut-être passer du café. je suis désolé, je n'ai pas ça. Petite absinthe pour moi. Oui, très absinthe. Bien. Bien sûr, bien sûr. Tu vois que... tout stressé, et puis tu sais, il va fouiller dans son atelier, puis il revient à vous. Alors, j'ai pas de verre, je vais demander à mon voisin d'aller vous. Je reviens tout de suite. Vous voyez que si vous dites rien, il va. Il risque pas, par exemple, une peine de mort ou quoi que ce soit. Il sait qu'au pire, on détruit l'appareil, puis c'est tout, non? Oui, après. La loi est un peu faite par les métropolites eux-mêmes. Hein. Je veux dire, ouais. Si vous décidez de le tuer, par exemple, un peu comme c'était un peu le message de la première enquête, rappelez-vous, où en fait vous pouvez même ne pas enquêter du tout et dire qu'ils étaient méga coupables et qu'il fallait les tuer. Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là tu peux arriver et dire bon, tu mérites la mort. Si tu le mets dans ton rapport, en fait personne va aller se faire chier parce que t'as tué un mec. Ouais. Si tu fais quelque chose de grave, comme tuer, je sais pas moi, un autre métropolite, là on va te dire il y a un problème, tu risques d'avoir un problème. Mais voilà. D'être en bonne relation avec Kornilov, donc ouais, il n'y a pas besoin de. Enfin, oui. De mon côté, je m'inquiète pas, je reste sur mon siège à scruter son appareil et regarder un petit peu comment ça fonctionnait, essayer de comprendre moi-même. Ok. Bah, après, vous le voyez que lui est méga stressé, mais en même temps, vous êtes quatre métropolites qui viennent de rentrer chez lui. Effectivement, il y a de quoi être stressé. En même temps, je note que. Il a du matos, mais il n'a pas assez de verre pour servir tout le monde. Tout à fait. Et tu vois qu'au bout de 5 minutes, il revient à vous avec 4 verres dans la main. Ah voilà, je suis désolé. C'est-à-dire que d'habitude, j'accueille pas beaucoup de gens non plus. Enfin, j'accueille des gens, mais pas tous en même temps. Quoi qu'il en soit. Je sais pas, vous. Ouais, qui commence à vous servir de l'absinthe, et qu'est-ce que vous voulez faire du coup pendant l'heure qui vient? Vous allez juste discuter avec lui, ou est-ce que... Je pense, oui. Moi, c'est ce que j'avais prévu. Vous discutez avec lui pendant une heure. Je suppose que vous allez, au bout d'un moment, peut-être changer un peu de sujet, peut-être même le rassurer un peu sur bien ce qu'il risque, voilà. Histoire de le détendre un peu, parce qu'il est vraiment sous tension, mais c'est normal, encore une fois, vous êtes des métropolites. Oui, nous allons malheureusement devoir saisir votre appareil, comme vous vous en doutez, et... Vous pourrez voir, et prendre des photographes. Ça vous dérange pas le chien du voisin là? Parce que. Il est quand même bruyant. C'est fou parce qu'en plus, c'est des animaux plutôt rares aujourd'hui. Du coup, je peux pas me plaindre parce que c'est assez rare. Puis s'il a autant de verres, alors faut pas lui reprocher d'avoir un chien. Exactement. C'est pour ça que c'est pas utile. Alors comment ça se déroule dans le quartier en ce moment? Ça va pour vous? Bah oui, moi je continue mes affaires, je suis photographe, je prends des photos, je fais... J'ai participé au salon de l'éventail il y a... Ah, il faudrait que j'y aille à l'occasion. Quelques jours de cela. Mais ouais, enfin... Je tiens vraiment à vous dire que... Enfin voilà, vous en doutez, mais c'est... je comptais pas le faire et j'ai... Enfin, c'est quand même assez incroyable. Je promets, bien entendu, j'avais réessayé. Je sais bien que ce qui m'en coûterait si je le faisais. Mais Tu dis ça, mais t'as fait un projecteur pour ton invention, quoi. T'as de la chance d'être tombé sur moi, tu sais. Mais comprenez que, enfin, bien que je vois ce que ça donne réellement, fallait que je. Enfin, mais oui, merci beaucoup, Cordia. Je sais que d'autres sont moins cléments. Je pense que vous avez probablement compris que vous ne pourrez pas garder cela chez vous. Oui, non, mais oui, vous venez de me le dire, ça sera saisi. Et à vrai dire, je m'attendais que ça arrive beaucoup plus tôt. Oui, enfin, ce sera saisi par nous, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais bien entendu, je m'en doute bien. C'était. Quand je dis ça, je regardais Esther. Ouais, bien sûr. Et peut-être qu'à l'occasion, nous enverrons un contrôle surprise à n'importe quel moment, fouiller votre appartement pour être sûr que vous n'ayez pas récidivé. Et même si nous n'allons pas vous emporter préjudice pour cette fois, vous laissant l'accident tel que vous nous l'avez raconté, votre bénéfice du doute, exactement. Thèse semble fiable. Évidemment que si cela venait à se reproduire, vous devriez en payer les comptes. Il y a toutefois un point sur lequel j'aimerais discuter, puisque même si je ne vous reproche pas d'avoir créé accidentellement un appareil interdit, vous en avez quand même profité, de ce que j'ai compris, divulguant et effectuant des démonstrations publiques de cet appareil. En avez-vous tiré une quelconque plus-value financière ? Non, la photographie... Déjà, la plupart des gens étaient juste curieux... J'avoue, mais j'ai agi sous la pulsion de la création et à vrai dire, je pensais que dès le lendemain, vous serez déjà là à retirer l'invention. Donc, je me suis dit que si ça ne devait durer qu'une nuit, il fallait en profiter, il fallait montrer ça à des gens pour pouvoir en parler dans 10-20 ans comme étant juste un souvenir de quelque chose de. Que j'ai fait moi-même, vous comprenez, c'est pas tant l'invention elle-même que j'ai réussi à, sans le faire exprès certes, mais j'ai réussi à créer quelque chose et... Beaucoup de monde est au courant ? Pas que ça, peut-être... Combien de personnes ont assisté à peu près à cette séance de photo ? Il n'y a que 10 personnes par séance et... Et vous avez fait combien de séances ? J'en ai fait 3 en... cette dernière journée. Ça fait 30 personnes, je pense, qui sont au courant dans le quartier. Bon, j'aimerais que vous me fassiez une liste. À ce moment-là, éventuellement, je lui demande de me la donner à l'oral, soit enfin, je l'écris. Vous savez que vous les avez potentiellement mis en danger. C'est pour notre rapport. Ce n'était pas du tout mon but, je comprends. Si des gens sont en danger, c'est avant tout de ma faute. Et... Je ne connais pas tout le monde, mais l'endroit où ça a été diffusé, ont moyen de connaître les entrées, je leur demanderai et je vous ramènerai ça immédiatement. Vous me voyez, je me tourne vers mes collègues et je leur dis, c'est vraiment nécessaire une liste des gens qui ont... À ce moment-là, je regarde tout le monde de Kornilov et quitte à lui faire un petit clin d'œil ou autre, je vous dis que oui, ce sera le cas. Évidemment, je le fais dans la. Évidemment, Kornilov. Kornilov me connaît suffisamment. Si je dis que ce sera dans le rapport, ce sera pas forcément le cas. Quoi qu'il en soit, l'heure passe et. Ouais, tout ça. Oui, oui, vas-y, je t'écoute. C'est pas non, c'est bon. T'es sûr ? Oui. Ok, il n'y a pas de soucis. Donc l'heure passe et au bout d'une heure, tout simplement, il vous emmène dans sa chambre noire et tout simplement vous diffuse les 5 secondes qu'il a enregistrées avec Hugo, et c'est effectivement incroyable ce qui se passe sous vos yeux. L'appareil qui enregistre s'émet une lumière, et en fait, sur le mur d'en face est projetée une image où effectivement vous voyez Hugo lever la main et faire coucou. Alors, réellement, vous voyez 5 images d'Hugo successives. Une où il a le bras baissé, une où elle est déjà levée, une où la main est tournée, enfin, c'est nous, très c'est saccadé. Mais voilà, c'est, pour vous, c'est incroyablement réaliste. L'image, par contre, est vraiment déformée, elle est pas très jolie. Il y a du grain. Il y a des grains, elle est jaune, elle est déformée, c'est vraiment déformé, c'est-à-dire que le bas est vraiment tiré, la largeur est vraiment recentrée. Donc c'est vraiment quelque chose de déformé, c'est quelque chose de très lent, très saccadé. Mais ce que vous avez sous les yeux est quand même magnifique. Pour ce que c'est-à-dire un objet non autorisé. Parfait. Je vous propose que vous quittiez cette pièce un instant et que nous délibérions en... Bien sûr. Et tu vois qui vous laisse... Néanmoins, avant de nous laisser, je me vois désolé d'être insistant sur ce point-là, mais comme l'a dit mon cher collègue, si nous vous prenons encore à récidiver et à de plus... à aggraver votre cas en organisant cette fois-ci des séances dont vous tirez un certain profit, soyez bien conscients que nous ne pourrons pas seulement cette fois-ci nous saisir de l'appareil et que nous devrons aller plus loin. Vous êtes déjà très clément, je vous remercie. C'est bien, vous pouvez disposer. Lorsqu'il quitte la pièce, je me retourne vers les autres et je parle suffisamment bas pour pas qu'on puisse m'entendre depuis la dernière. Oui. Par rapport aux pistes que j'envisage pour conclure cette affaire, sachant que je leur laisse évidemment donner leur avis. Personnellement, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le choix d'étouffer. On dit que ça n'a pas existé, le comité, les personnes qui ont vu les images sont très peu nombreuses. On dit que l'appareil, non, en effet, est inexistant. On le saisit, on le détruit. On détruit toutes les copies également de par rapport au projecteur. Et en fait, on lui demande, lui, de se discréditer. Il n'en refera plus jamais. Si jamais on lui pose des questions, vu qu'il en a, il doit réfuter ses dernières, dire que c'était un simple tour de passe-passe d'illusionniste qui donne l'illusion d'eux, alors que... Comment dire, qu'il se fasse plus voir comme un charlatan qu'un scientifique pour son propre bien. Et de notre côté, on évite de dire ce qui s'est passé pour le bien, même s'il n'y a pas grand chose à craindre, de la famille de Kornilov. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et la seule personne qui va être contre, c'est Kornilov. Non, je suis contre. Qu'on le dénonce. Je veux divorcer. Eh bien, vous avez raison. Pas sur le divorce. Non. Non, c'est juste que je vois pas en quoi cacher l'affaire est obligatoire pour empêcher une retour. Si jamais, la peur que j'ai, c'est que vu qu'il a commencé à se vendre là-dessus, c'est que ça s'ébruite et que du coup. C'est le genre de truc qu'on a envie d'éviter. On préfère éviter d'apprendre que le ministère de la propagande a interdit la création de quelque chose que les gens disent être fantastique et que ça commence à se répandre plutôt que juste un énième charlatan à essayer de faire croire qu'il avait révolutionné la photographie. Parce que si tout le bar est au courant, ça va quand même un petit peu s'ébruiter un minimum. Donc ça pourrait... amener des vocations, genre s'il a réussi, peut-être que nous on peut réussir derrière. Exactement, ce qui est absolument contre tout ce qu'on avance au quotidien. Ouais, et en plus, on met en danger lui et ses proches. Pardon ? C'est peut-être comme ça que les crimes sont apparus. Un jour, quelqu'un a fait une caméra mélo et paf, les crimes. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Esther. Je pense qu'il faut étouffer cette affaire et faire en sorte que... Je pense que c'est la chose la plus sage à faire. Comme ça, lui, on le met pas dans la merde. On dit pas qu'il l'a fait, donc il va rien lui arriver. On dit juste que c'était un mec qui voulait faire son intéressant. Ça lui passe pas plus de soucis par rapport à lui. Il est en quête de gloire d'ici 10-15 ans, mais malheureusement, si jamais il veut pouvoir vivre maintenant, il va falloir qu'il les mette de côté. En tout cas, ses envies de gloire. Et puis, bon, bah, puis voilà, quoi. Et puis, ça met également moins en danger, même si, voilà, on pense qu'il n'y a pas trop de risques, étant donné qu'on est sur l'enquête, la famille de Korninov. Mais je veux dire, si, par exemple, quelqu'un venait recréer une machine qui venait en recréer une et qu'on n'avait pas... les gens iraient se réintéresser à celle-ci et peut-être qu'ils n'auraient pas un jugement aussi favorable que le nôtre. On sait très bien qu'il y a des métropolites qui sont beaucoup plus extrêmes que nous. Je suis d'accord. Si c'est ce que vous voulez faire. Je trouve que c'est se compliquer la vie pour rien, mais si c'est ce que vous voulez. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Hugo ? Eh bien, je vous appuie sur ce coup-là. Parfait. Vous avez donc décidé de faire ça. Et je vais accélérer un peu le rythme pour ça, mais effectivement, vous allez le laisser tranquille. Vous allez tout simplement lui prévenir hein, tout ce qu'il faut. Hein. Je considère que le speech là, qu'a fait Lester, c'est plus ou moins ce que vous allez lui dire. Oui. Sur l'aspect, on réfléchit ça pour ça, mais voilà, vous lui dites voilà, tu te fais passer, enfin, vaut mieux que tu te fasses passer pour un charlatan. Et tu ailles le dire au monde du bar, c'est important. Et de toute façon, tu te feras vite contrôler, peut-être même plusieurs fois. Et si jamais on te surprend avec une autre machine dans le genre, là par contre, tu vas le perdre. Oui. Quoi qu'il en soit, voilà, vous décidez de laisser tranquille, vous saisissez l'objet, et vous allez pouvoir aller le détruire. Alors, vous comptez du coup réellement du coup le détruire? Oui, je pense qu'il vaut mieux. On le fait au QG Indigo. À dire le meilleur endroit pour détruire un objet sans qu'il y ait aucune trace, c'est les. Moi, ce que j'allais proposer, c'est de le faire fondre après dans mon usine, de mélanger les trucs à la ferraille et de balancer ça dans des espèces de gros fours machin, et comme ça tout disparaît complètement. Mais je valide. Enfin, moi, j'assiste là-dessus, mais parce que ça me permet d'assister un peu sur la présence de la crime, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est une toile de fond, mais ouais. Ça reste quand même quelque chose qui fait absolument tout fondre, et bon, tu peux pas avoir la moindre preuve de quoi que ce soit si tu jettes dans les crimes. Après vous pouvez faire ça marche aussi, c'est comme les gens veulent, sinon on retourne au QG Indigo, on l'explose contre un mur, et puis on va jeter tout ça dans un four. On peut le jeter dans le premier trou qu'on trouve qui mène à les crimes, tu vois. C'est pas très difficile dans une ville d'accéder à des crimes. Pour le coup, j'avais vraiment imaginé que Esther la garde sous le coude en mode je vais l'étudier. Non, c'est une invention complètement hérétique. Quoi qu'il en soit, vous décidez donc du coup, je vais partir de ce principe-là. Si quelqu'un me dit non, je pars du principe que ouais, non. On le jette dans un truc. Que voilà. Vous le jetez dans les crimes, à vrai dire, c'est voilà, effectivement, c'est pas très difficile à trouver des crimes. Et vous avez cet avantage qu'une fois que l'objet rentre en contact avec ce dernier, une fois qu'il y a ce petit remous de liquide, de ce liquide qui est immobile, vert et qui vous entoure d'absolument partout, il n'y a déjà plus aucune trace de cet objet et aucune qui est possible de retracer. Okay. Et vous avez toujours cette petite pensée morbide, hein, mais à chaque fois vous voyez quelque chose qui tombe dans les crimes, hein, toujours cette question qui est en vous, et si c'était un être humain, non pas que vous avez des pensées sadiques sur le chose, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très humain d'avoir ce genre de pensée. Il y a plein de choses qui peuvent provoquer ça, notamment des grossesses par exemple, dans la vraie vie, je veux dire. Ce qui fait que, voilà, c'est pas parce que je vous dis ça que vous devez partir du principe que votre personnage est en train de devenir fou. J'ai juste c'est une pensée normale, en fait, hein, tu vois. Le liquide était tellement omniprésent, il vous a toujours présenté comme dangereux, que forcément, vous voyez quelque chose qui entre en contact avec les crimes, forcément, ça fait travailler les ménages. Quoi qu'il en soit, vous avez passé la soirée plutôt tranquillement. Je vais vous demander la question, on va pas faire quelque chose de détaillé, hein. Juste vous me répondez en une phrase et on considère que ça se passe comme ça, sur comment voilà, vous comptez passer votre soirée avant le lendemain matin. Si quelqu'un veut commencer, il peut y aller, sinon je dis. Eh ben moi, je vais profiter d'être du coup dans le quartier des... excusez-moi. Du Glyphe. Du Glyphe, pardon, pour aller voir les théâtres un peu huppés et voir la programmation, puis peut-être voir s'il y a une pièce qui m'a l'air intéressante. Bon, bah, Oui. Revenir un peu plus tard cette nuit chez moi et donc assister à Ok. cette pièce. C'est du coup exactement ce que tu vas faire. Et effectivement, le théâtre est toujours un des arts les plus dominants parmi tous les arts. Victor, je commence à deviner. Bien moi, je vais retourner un petit peu voir cette petite dame qui, je suis sûr, peut-être à force aura des informations peut-être sympas à me donner. Lui offrir un verre. Non, Très mais... bien. Comme j'ai dit, je vais pas détailler, mais je considère que tu le fais, ce qui est toujours important pour les Voilà. relations. Et je te mettrai en privé si tu as dit quelque chose d'intéressant. Pour D'accord. l'instant, je continue la narration. Ok. Cornilov. Eh bien, Kornilov, Tu peux aller voir ton incroyablement, homme. ouais, incroyablement, il va retourner chez lui, son vrai chez lui, parce que il vient d'amener tout son groupe, suivi par un tueur en série, chez lui, donc au moins pour le mettre au courant. Et vu que la soirée commence, je vais sûrement y passer la nuit. Ok. Esther? Alors moi, je vais devoir détailler un tout petit peu. Il y a pas de soucis tant que ça prend pas trop de Je temps. pense que je vais faire rapidement un détour par le QG Indigo pour prévenir Sofia que je ne serai pas là ce soir, mais lui dire de faire attention, de dire à personne que tout va bien, que je rentre demain. Mais sur le tout, sur pas pressé, je dis que j'y vais parce que j'ai l'impression que personne retourne là-bas avant. Ce serait bien la prévenir. Oui, non, mais effectivement. Voilà. Ensuite, je reprends mon vélo. Et je repars en direction de chez moi. Bon, pareil, tout en faisant attention un petit peu à qui je croise, bon, comme d'habitude. Mais surtout, je m'y précipite relativement rapidement. Même, je dirais, le plus rapidement possible, quitte à utiliser les fameux. Mince. Pas tramway, non, mais. Ah oui, le. Non, mais c'est le tram, ouais. Le Ouais, le tram. tram. Enfin, le rail, enfin voilà. Ouais, voilà. Effectivement, comme. Je me permets juste de rebondir juste là-dessus, comme ça je peux le remettre pour tous les Ouais, bien joueurs. sûr. C'est vrai qu'il avait été limité, donc en fait les déplacements sont maintenant très surveillés, il y a beaucoup moins de déplacements, alors qu'avant les métropolites Oui. pouvaient les utiliser comme ils voulaient. Tout simplement parce que, bah, visiblement, il a été construit un peu trop de manière audacieuse vis-à-vis de la structure de Venise et on préfère limiter les utilisations. Il est encore d'actualité, il commence à avoir vent au ministère, comme ça me permet de. Vous avez déjà entendu ça, que peut-être un de ces quatre il soit retiré, mais pour l'instant, c'est quand même un gros privilège, on a un peu du mal à l'accepter, il y a beaucoup de gens qui sont contre. Mais voilà, peut-être qu'un jour ça arrivera, et du coup, tu peux l'utiliser une fois, effectivement. Ok. Il y a maintenant des gens qui surveillent et qui, en fait, te demandent ta personnalité, qui tu es, si tu dis métropolite, ils demandent qui, et comme ça, ils voient ton utilisation, et comme tu l'as pas utilisé depuis au moins un mois, il te laisse le prendre sans problème. Sur le trajet, je fais également un détour vers une boutique d'appareils technologiques auxquels j'aime bien aller de temps en temps, généralement seulement pour regarder ce qu'ils vendent en vitrine. Et j'acquiers pas moins de 3 appareils photo et un projecteur. Ok. Si j'en ai les moyens, je sais pas combien ça coûte. Alors, je peux te Mais il me dire semble qu'on avait ça. reçu notre paye, si je dis pas de Ouais. bêtises. Mais. On en avait chacun utilisé un tiers, je crois. C'est ça. Alors, je te dis ça juste 2 secondes, si je me trompe pas, c'est par là les prix. Donc, le boîtier, c'est 15 liges l'unité. Autrement dit, ça va. Ça va. Ouais. Pas beaucoup. Mais par chance, la pellicule est de quoi développer et tirer, parce que si t'as pas de chambre noire, c'est un peu difficile. C'est 10 sous. Ok. C'est un forfait. Mais par contre, effectivement, c'est 15 giges d'unité, donc tu ne pourras pas acheter 3 appareils ce soir, C'est malheureusement. sûr. Dans ce Mais tu cas-là, peux au pire, acheter. est-ce que j'ai le droit de réquisitionner du matériel vu que je suis métropolite? Alors, tu peux tenter, tu peux demander. Je pense que je vais tenter. Très bien. Alors, tu vas me faire un petit jet de dés. Je vais quand même voir. On va mettre ça au bonheur, la chance. Je te mets au choix par rapport à comment tu vas aller dans ton discours, soit de l'arguti, soit du faconde. Je vais dire plutôt un outil. Je vais aller là où. Ok. Dans le... Et je fais. Oh merde. 8 seulement. Attends. Ouais, non, ouais, non. Je vais garder lui. 8, une petite réussite, et honnêtement, Tu vois qu'il est d'accord s'il y a besoin, mais tu demandes quand même beaucoup de matériel et lui, c'est... enfin voilà. Je m'en demande dans ce cas peut-être un petit peu moins hein, s'il faut. Voilà, l'appareil photo il n'en a pas 15 000, hein, tu te doutes bien. Ouais. Et du coup, bon, si tu retires ces trois boîtiers, il va plus pouvoir vendre grand chose malgré tout. Donc il t'accorde que t'en achètes un et que tu réquisitionnes un par contre. C'est-à-dire que t'as 2 sur 3. Ça me va, j'accepte. Parfait. Du coup, alors, il faut juste me mettre vite off que tu as du coup 2 appareils photo. Par contre, tu n'as plus de salaire, voilà, tu en as utilisé tes 15 derniers liges. Est-ce que tu as acheté par contre, ça je peux te l'accorder, parce que vu que t'en as pris un, au moins une pellicule, voire deux pour. Oui, bien sûr, je pense. Ok. Parfait. Ce à quoi du coup? Je retourne chez moi et je commence à travailler évidemment sur ce que tu crois que je commence à travailler. Tout à fait. Quitte à y passer la nuit, parce que du coup, il faut absolument pas que j'oublie tout ce que j'ai vu. Pour rappel, j'ai juste tenu dans les mains. J'ai dit que je l'ai scruté, que je lui ai demandé de m'expliquer comment ça marchait pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il avait écrit ça. Et j'essaie de reproduire exactement ce que j'ai entendu et de l'améliorer, évidemment. Je vais encore te demander un jet et de mécano-anthropologie. Ouais. Pas tant pour le fait de le faire, mais pour voir à quel point tu as retenu bien sûr. L'action. Donc, habile de tes mains, là, ne compte pas. Ouais. Et je regarde ni objet... Donc aucun des objets, non. Du coup, ça fait... Alors attends, c'est quoi déjà tes traits? Parce que c'est un objet mécanique, il me semble. Dans mes traits, j'ai... de petite taille, habile des mains. Oui, Et un autre truc, mais qui est pas en rapport. Énergie mécanique. Ouais, non. Effectivement, tu n'as pas de... Tu n'as pas de bonus. Tu as juste ton jet d'anthropomécanologie qui est quand même pas mal. Et ça me fait un 12. C'est quand même pas mal. C'est vrai que t'es très fort en anthropomécanologie. Eh bien, par tes capacités, hein, ça je t'avais expliqué, mais vous avez pas de plan généralement, les ingénieurs. Donc c'est si vous avez vraiment appris à vous créer un palais mental juste de construction. C'est ça. Et exactement. Donc c'est ce que t'as. C'est donc là, le jeu c'est plus en fait pour quand t'étais là-bas, regardez que pour maintenant. Mais voilà, t'étais en train vraiment d'analyser, de te construire vraiment ce que tu voyais pour te faire un plan dans la tête. Hein. Je ne sais pas qui est parti. Hugo, ok. J'espère qu'ils reviennent vite. Donc, tu as pu bien retenir, et du coup, tu commences à travailler dessus sans trop de problèmes. Du coup, je vais quand même détailler deux petits trucs, parce que bon, j'ai pris du temps, donc autant que ça... Comme ça, j'arrondis à peu près l'heure à 23h, puis ça permet d'attendre Hugo. Cornilove, quand tu es de retour au foyer, tu vois que ton mari a un peu changé de comportement. Il est un peu inquiet, parce que, en fait, plus tôt dans la journée, après ton départ, mais pas tout de suite après, tu vois, une heure ou deux après ton départ. Hein, pardon. J'ai eu la notification, j'ai pas pu m'empêcher de la lire. Non, mais y a pas de souci. C'est juste, c'était très drôle pour le coup. En plus, je te décris ça, tu sais, en mode tranquille. Non, voilà. Il était avec elle, voilà, deux heures après ton départ environ. Il a entendu toquer à la porte et quand il est allé, il y avait absolument personne. Du coup, bon, ici, bon, ça c'est peut-être un petit enfant qui doit jouer et quand il est rentré, bah, en fait, 10 minutes plus tard, ça a retoqué et il y avait de la cire fondue devant la porte. Et bon, autant un petit enfant parfait, Hugo, autant un petit enfant qui toque et qui part en courant, ça arrive. Autant la petite tache de cire en fait l'inquiète parce que enfin les enfants traînent pas avec de la cire fondue dans les poches. Ouais, il te le dit et du coup il est rassuré que tu rentres ce soir en fait et c'est peut-être un des instants les plus intenses hein, de votre vie de couple hein, mais voilà il te dit que, voilà, que ça te rassure tout ça là et je tiens à dire que j'avais demandé au joueur comment se passait son couple et tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que ça se passe comme ouais, ça. Ouais. Hein. Non, tout est parfaitement voilà. Du coup, nos dialogues ne sont pas dus à une gêne ou quoi que ce soit. C'est roleplay. C'est vraiment un couple très très intense. Encore une fois, André Breton serait jaloux de votre amour. Du coup, quoi qu'il en soit, voilà, il te dit quand même que ça le rassure que tu sois rentré. Et c'est une déclaration très très forte. Du coup. Voilà, et non, bah Victor, je me suis pas décidé, désolé, du coup je te dirai vraiment ça en privé parce que j'ai pas envie de te dire juste n'importe quoi et j'avais pas prévu un truc de base pour ce soir, désolé. C'est fini pour ce soir, enfin pas pour ce soir la session, hein. C'est fini pour cette soirée. Dans... non, mais je remarquais que ma phrase faisait un peu un entre-deux, donc c'est fini pour cette soirée pour vos personnages, vous faites du coup ce que vous avez décrit. Nous arrivons de nouveau le lendemain matin. Vous vous retrouvez tous au QG, comme à votre habitude, parce que bah il faut bien un moment que vous allez sur le lieu de travail, j'insiste. Voilà, vous êtes tout simplement en train de déjeuner. Esther, tu passes un peu de temps avec Sophia. Avec d'énormes cernes, on sent que Esther n'a pas beaucoup dormi de la nuit. Avec d'énormes cernes, du coup. Oh, est-ce que je donnerais pas pour un café? Foutu pignole. Si tu l'acceptes pour le roleplay, je veux bien te... Enfin, je veux bien. Moi, je te propose de retirer aléatoirement un point dans une de tes compétences mentales hein, pour représenter en fait ta fatigue. La fatigue, je suis d'accord. Ok, bah dans ce cas-là, lance-moi, s'il te plaît, si je... Voilà, c'est... Ouais. Pour montrer vraiment tes capacités. Alors, on va faire une mentale, une sociale, parce que j'avais fait aussi pour la fatigue chez Victor, et il faut pas que je fasse de préférence. Ok, donc, je jette des dés, je suis genre, en partant du haut, le chiffre réussi. Exactement, donc si je me trompe pas, alors, c'est... 5 en mental, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est Urba Technology, et c'est en mental, en social, pardon, c'est Arguti. Juste... moins 1 à chacun, oui. Même si je suis sorti, je vais pas faire de test, hein. Je peux rentrer si tard comme ça, hein, moi. Non, c'est parce que Esther, en fait, a dit vraiment qu'elle a passé une nuit blanche, en fait. Ouais. T'inquiète pas. Donc, du coup, comme elle a pas dormi en revenant au travail... C'est ça, donc elle est complètement morte, donc... Voilà, donc t'as ton Arguti qui est moins efficace et ton Urba Technology jusqu'à temps que tu te reposes. Ouais, c'est ça. Bien, vous déjeunez, vous voyez Esther avec d'énormes cernes, fatiguée. Mais qui malgré tout est venue présente, hein. Enfin voilà, les cerneuses. Il y a Hugo, ça y est, Hugo a visiblement bien trouvé votre QG, il a compris qu'il devait travailler avec vous. Après, vous savez qu'il a été beaucoup appelé... Il s'est retrouvé bloqué devant parce qu'il n'avait pas de mot de passe. Non, je suppose que vous lui avez dit quand il est revenu. Voilà. Victor et Kornilov, ça va plutôt bien. D'ailleurs, Kornilov, petite question juste comme ça rapidement, mais est-ce que tu avais prévu... quelconque réaction à ce que avait dit ton compagnon, je veux dire, par rapport à aujourd'hui. Est-ce que tu lui as dit quelque chose de particulier ou tu as juste dit t'as gâté, je suis là. C'est juste pour savoir. Je lui ai dit de rester énormément sur ses gardes. Je sais qu'habituellement il est entouré, donc ça va, mais sinon qu'il fasse gaffe, quoi. Parfait. Parce que mis à part l'enfermé dans le QG, il y a déjà des squatteurs, alors ça... C'est vous ramener toute la ville dans le QG. Exactement. Non mais je comprends, parfait. Non mais c'était juste pour savoir, j'aime bien savoir comment vous agissez. Quoi que l'on soit, là vous prenez vos petits déj, vous discutez, vous êtes déjà soulagé d'avoir trouvé la réponse aux événements du coup d'il y a deux jours, le soir. Bien que finalement la réponse n'est pas très très encourageante. Tout à coup, ça toque à votre porte. Ah. Qui y va? Ah bah tiens, pour une fois, c'est moi qui vais ouvrir. Bravo Hugo. Et là, Hugo, il s'est tiré dessus. Ça t'apprendra à ouvrir les portes. On va lui expliquer comment ça fera ton sapir tombale. Pardon. Hugo, en cette matinée du 22-2 vers 2131, tu ouvres la porte et tu tombes sur un métropolite très haut gradé, visiblement, qui tout simplement a un visage très fin, mais malgré tout une mâchoire carrée. C'est assez paradoxal, mais c'est à ça qu'il ressemble. Attends, je tombe sur. Un métropolite. Sur un homme métropolite. Hein. Oui. Pas de barbe, je te le décris un peu quand même. Pas de barbe, un visage très fin, mais quand même la mâchoire carrée. Et un regard, pardon, mais très sévère. Et quand tu ouvres la porte. Un visage très fin, mais. Pardon, un regard sévère. Ok. Voilà. Et tu ouvres la porte. Et c'est cet homme qui est face à toi. Bonjour. Bonjour. C'est bien la cellule Inter-Empire des enquêtes et de recherche de Venise ? C'est exact. Bien. Vous êtes actuellement convoqué au bâtiment institutionnel des Métropolites. Hein. Vous devez vous y rendre immédiatement. Pouvons-nous savoir pour quelle raison ? Enfin, nous comptons nous y rendre, ne t'inquiète pas, ou bien ça ne peut pas être divulgué ici ? C'est une réunion, tout simplement, sur laquelle vous êtes convoqué. Très bien. Eh bien, vous devez nous y accompagner, ou... Non, mais comme vous êtes attendu immédiatement, je vous conseille de ne pas tarder à partir. Très bien. Merci beaucoup. Pas de quoi. Nous pressons. Tu vois qui fait demi-tour et qui s'en va, redescendant tous vos grands escaliers là pour atteindre votre cour. Eh bien, mes chers amis, nous sommes convoqués à cette fameuse réunion. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Allons-y. Tu sais qu'est-ce qui nous convoque ? C'est Alfeo. Non, il n'a pas dit. Je ne sais pas le motif non plus. Donc, Madame la MJ, c'est le genre de choses qui nous arrive régulièrement ou c'est assez ordu ? Être convoqué, pas tellement. La première fois que vous avez été vraiment convoqué, c'était pour vous mettre sur l'affaire d'Ilpro Sidimeto. Car un métropolite est venu vous dire. Mais c'est vrai que sinon. Sinon on envoie une plaque, on sait pas aux gens, ça c'est rare qu'on vienne te voir et qu'on te dise hey, « Eh oh les gars, on a besoin sauf de... » Sauf dans son dos du coup, c'est très important. Mais ça a pas l'air d'être un piège pour nous écarter du truc. Puis c'était un vrai métropolite pour le coup. Okay. Ouais mais bon, pour moi, El Pueblo Sedimento aussi est un vrai métropolite. De quoi Cornilov ? Aïlig nous a dit « Il faut pas faire confiance même aux métropolites. » C'est vrai, tout à fait vrai. Première session, première phrase. Honnêtement, je suis agréablement surprise par toi. J'aime beaucoup ce que tu viens de faire. Mais il regarde les sessions, Lynn. Esther, il faut changer le code. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez du coup là-bas. Vous allez au bâtiment institutionnel de Métropolite, ça vous prend un peu de temps pour y aller. Et vous arrivez du coup en fin de matinée. Là-bas, je retire la musique, évidemment. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez là-bas. Une fois en fait là-bas, on vous fait monter en fait à un des étages, on vous fait attendre dans une antichambre. Il y a quelques sièges qui permettent de s'asseoir et il y a deux portes en plus de celle qui vous a permis de rentrer dans la salle. Deux portes opposées, une à gauche et une à droite. Vous allez devoir attendre, pour vous le dire clairement, des heures. On va vous faire attendre là. Est-ce que vous allez, je vous pose la question en général, est-ce que vous allez essayer de discuter ? Est-ce que sinon, voilà, est-ce que vous... Comment vous comblez en fait ces heures ? Dites-moi tout. Mes yeux se ferment petit à petit et j'essaie de rester debout et éveillé. On peut s'asseoir quand même, rassure-moi. Ah oui, il y a des sièges, hein, je veux dire. Ah bah voilà, par debout, Jean. On est plutôt droit, en fait. Non, ouais, après, pas ma map. Non, mais y'a pas de soucis. Moi, je me mets à côté de Esther et je dis « C'est bon, tu peux dormir. » <Okay. rire> En vrai, j'aimerais bien, mais je pense que c'est pas très bien vu, surtout si c'est une réunion pour l'inciter à dormir. Effectivement, Esther, tu mets le doigt sur quelque chose, mais si effectivement c'est quelqu'un d'important qui débarque, c'est pas que je suis en train d'endormir l'épaule sur mon collègue, ouais, c'est pas ouf. Enfin, la tête sur l'épaule de mon collègue. Bon, attends, parce que tu crois que je vais te donner mon épaule par terre, ouais. Non, mais t'inquiète pas, on va faire le quai. S'il y a quelqu'un qui arrive, non, pim, mais coup de coude dans les côtes. Si quelqu'un arrive, on crie très fort. Esther, réveille-toi. Non, mais sinon, un bon coup de coude dans les côtes, ça réveille toujours. Pim. Alors. Non, mais après, on peut discuter. C'est vrai qu'après, c'est pas un super endroit pour étaler nos trucs, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent. On n'est pas seul. Ah, vous êtes seul dans l'antichambre. Ah, dans l'antichambre, on est seul. Ah, bon, ça va. Ouais, mais dans le ministère de la propagande, est-ce que c'est bien l'endroit où. Oui, non, ils sont derrière les tableaux. C'est ça. Quelle bande de connards. Avec les petits yeux qui te suivent, tu sais. C'est bien des cons au ministère de la propagande. Putain. Mais tu travailles pour. Non, non, mais voilà. S'il y a une chose qui est sûre dont je discute, c'est que je dis à demi-mot à mes compagnons ce que m'a dit mon compagnon. Ah, donc, sans le citer à lui, simplement je dis a priori il a trouvé une trace de cire fondue devant sa porte après qu'on soit passé. Ah merde. On a des gens toqués aussi. Je sais pas exactement ce que ça peut signifier. Je sais qu'il y avait une histoire de cire fondue sur les corps, si je me souviens bien. Ça me dit un truc également, en effet. Et peut-être que c'est faux. Je vérifie. Mais notes, je sais pas si c'était sur les corps, mais mes notes ne remontent pas jusque-là. Quelque chose me dit que ce n'était pas ça. Non, c'était des trucs gravés, c'était pas de la... C'était pas non, de... la cire, c'était de... les lumières qui allumaient la scène. Ouais. Mais en tout cas, assez inquiétant. Est-ce que la cire peut être utilisée pour potentiellement. Là, je parle à l'essence, MJ. Par exemple, pour crocheter des portes ou autre. Enfin, ça me paraît très bizarre, mais. Ouais, c'est plus un message qu'on essaie de faire passer qu'une réelle tentative de construction. C'est plus probable parce que c'était vrai que de la cire pour crocheter une porte. Bah ouais, je vois pas trop. Je vois pas trop sur quel mécanisme ça pourrait marcher. Mais effectivement, il y a peut-être un. Voilà, ça, niveau recherche, tu trouves pas de quoi faire avec de la cire devant une porte. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ce genre de truc, je vois pas en quoi ça pourrait servir. Quoi. Alors là, pour le coup, non, même pas besoin de jet, c'est étonnant. Ouais. Peut-être est-ce un marquage ou quelque chose pour. Enfin, en tout cas, c'est pas. C'est, ça reste inquiétant. Faire cela n'a aucun sens. Bon alors, disons, Esther, tu m'as l'air bien fatigué, qu'est-ce que tu as fait toute ta nuit? Oh, vous savez, les conditions dans lesquelles nous vivons ces derniers temps me mettent plutôt mal à l'aise, j'ai du mal à fermer l'œil. Et avec ce que vient de dire Kornilov, mes insomnies... Tu en perds la voix, sache-le. Merci. Tu devrais aller consulter. Ah oui, là, c'est très clairement une extinction de voix. Je pense que tu as attrapé un... Oui, c'est la vraie de père. Tu as trop traîné tard ce soir. Hein. Ouais. Ah, tu devrais peut-être te renseigner pour une petite décoction pour t'aider à t'endormir. Ça pourrait être utile. C'est une idée, oui. En tout cas, essaye quand même de te ménager le plus possible. Ouais, très bien. Les heures passent, vous avez discuté comme vous venez de le faire. Et au milieu de l'après-midi, pour vous dire que ce n'est pas juste quelques heures, on est passé de fin matinée à milieu de l'après-midi, tout à coup, alors que vous commencez quand même à être un peu désespéré, vous commencez à être fatigué de juste vous tenir là, attendre, peut-être l'idée même de partir vous a traversé l'esprit, mais bon, c'est pas trop conseillé. Quoi qu'il en soit, en plein milieu de quelconque minute, d'une quelconque heure, vous savez même plus exactement comment se déroule le temps, la porte claque, la porte qui se trouve derrière vous, et rentre un peu en furie, dans le sens où il marche vraiment très vite. Canyo, lundi. Et il s'arrête tout simplement quelques pas devant vous, et sans même en fait tourner la tête pour regarder, mais vous sentez son regard qui se pose sur vous. Et dit tout simplement, suivez-moi. On le suit. Il se dirige vers la porte de gauche et vous fait rentrer. On le suit. Ah oui. Vous rentrez dans une salle obscure. Il y a une table en son centre, un phonographe sur cette dernière. Vous notez que le phonographe sert à enregistrer la conversation. Rien d'autre que des sièges pour meubler la salle. Et une lumière. Une lanterne pour être précise. Pourtant... Vous savez que la salle pourrait être éclairée de façon classique, il y a ce qu'il faut. Mais c'est bien la lanterne qui éclaire cette petite salle. Il vous laisse vous asseoir. Et s'assoit à son tour. Et vous le voyez sortir un étui de métal dans lequel se trouvent des cigarettes. Et lève la tête un peu vers vous. Vous fumez ? Oui. C'est bien, c'est bien. Et tu vois qu'il sort une cigarette et... J'en prends une également. Ouais, pareil. Mais je l'allume avec mon briquet. Alors, je le fais allumer. Il ne vous propose pas de cigarette. Après dire son geste, il vous demandait si vous fumez, et en fait, au moment où vous répondez, il hoche la tête et referme le paquet avec, en mettant sa cigarette à la bouche. Enfin, je prends une de mes clopes aussi, du coup. Voilà. Enfin, du coup, il nous invite à fumer pendant la séance, si j'ai bien compris. C'est juste si vous me demandez comme ça. Je vois que la fumée commence à sortir de sa cigarette. Si tu essayes de fumer, tu vois qu'il te dit rien. Que pas tranquille. Et il entame la conversation. Bien. Alceo et Alic devraient nous rejoindre d'ici peu. Mais je vais prendre un peu d'avance si vous n'y voyez pas de soucis. Du coup, vous doutez de la raison pour laquelle je vous convoque. J'ai des questions à vous poser. Il est temps de faire un premier bilan de votre unité, de votre cellule. Du coup, combien d'enquêtes avez-vous résolu à ce jour? Il me semble que c'est 3 ou 4. Non, plus même. On c'est l'enjeu ou si c'est le hors-jeu? Honnêtement, vous répondez quelque chose. Vos personnages savent même c'est l'hors-jeu. Bis. Vous, joueurs, je me suis pas amusé à compter combien de sessions hors-jeu je vous avais fait passer en ellipse. Et vous voyez qu'il hoche la tête. C'est bien, c'est bien. Et où en est-il, dit le procedimento? Disons que... c'est une affaire, comme vous le savez, qui est assez obscure et nous sommes, comme qui dirait, je pense, comme nos prédécesseurs dans une impasse. Oui, nous sommes quelque peu au point. Vous avez conscience du danger qu'il représente ? C'est bien plus qu'un tueur. Chacun de ces meurtres est un message. Il est une atteinte au système. Il est un destructeur de l'ordre établi. Chaque jour qui passe, chaque jour, vous le laissez faire. Il détruit ce pourquoi toute la toile s'est formée. Si demain une prochaine guerre clémonique a lieu, je vous déclarerai coupable sans hésiter. Il est vrai, mais... comment enquêter sur un fantôme alors que même ici même... nous n'arrivons à trouver aucun renseignement, aucune information qui puisse nous aider à pouvoir faire évoluer notre enquête. C'est très compliqué, malgré toute la bonne volonté qu'on y met. Ce n'est pas un fantôme. C'est un être humain. Un être humain détestable. Et si on vous donne une mission, c'est pour vous l'accomplissez, qu'importe sa difficulté. Mais nous comptons bien y arriver, mais disons que nous ne sommes pas vraiment aidés dans notre enquête, et je dirais même que indirectement, certaines personnes nous incitent peut-être à ne pas aller plus loin. Et vous travaillez pour cette personne? Ou pour moi? Certes. Pour vous, monsieur, bien sûr, c'est une absolue évidence. Du coup, je suis bien d'accord. Du coup, je profite d'être en face de vous. Auriez-vous des informations ou des dossiers qui nous permettraient d'avancer dans l'enquête? Attendez. Un jour, vous n'avez pas compris. Vous bossez pour moi, pas l'inverse. Je vais pas faire votre boulot à votre place. Il me semble que si je vous ai donné ce métier, c'est pour que vous fassiez quelque chose. Pas pour que je le fasse. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une carte blanche pour avoir accès à tout ce que nous avons besoin d'avoir sans passer par vous? Carte blanche, vous l'avez déjà, vous êtes métropolite, vous avez accès à tout ce que vous devez avoir accès. Vous avez droit d'user de la force, de la violence, de quoi que ce soit, tant que c'est justifié dans votre rapport. Je ne comprends pas très bien l'objet de votre demande. Plus, enfin, disons, pas forcément des accès à la population ou à la ville de Venise, mais plutôt aux archives des métropolites. Et oui, que vous avez déjà accès. Rentre. Malheureusement, nous avons déjà essayé d'avoir accès à certaines choses et on nous a parfois laissé entendre que nous ne pouvons pas y accéder. Les accès, vous les avez. C'est moi qui vous les donne. S'il manque des informations, c'est que le problème vient d'ailleurs. Vous pensez bien que mon statut, si je décide que vous menez une affaire, c'est que je vous donne du coup tout ce qui va avec. C'est pour ça que je suis même étonné qu'il n'y ait aucun résultat. Je ne m'attendais bien entendu pas que vous soyez capable de l'arrêter en si peu de temps, mais j'ai bien l'impression que votre enquête n'a pas été très bien menée. Je me tourne vers les autres. Nous avons un début de profil. C'est tout ce que nous avons pour moi. Un début de profil, c'est bien. Quel profil ? Ce serait un artiste. Il aurait des connaissances en particulier dans la musique, en particulier dans le genre, la technique Scodatula. C'est bien. Vous avez juste un quart de Venise comme profil potentiel. C'est bien. Ouais. Certes, mais nous avons éliminé, c'est-à-dire trois quarts des potentiels suspects, ce qui nous avance déjà énormément. Pour ce côté. Quand tu dis ça, il y a la porte en fait qui s'ouvre. Et vous voyez entrer Alceo et Alig. Les deux rentrent. Et Alceo, alors qu'il est en train de s'asseoir, lance « Je pensais pas que la réunion devait commencer sans nous ?» Et la réponse de Kenyo est juste « C'est exa. » Les deux s'assoient. Alceo se trouve à votre gauche et Aelig tout à votre droite. Et que Kenyo reprend la parole. « Bon, on va pouvoir commencer les choses sérieuses vu que tout le monde est là. » Donc, je vous ai convoqué aujourd'hui pour pouvoir parler de l'affaire Il Prosimento, pour faire un bilan sur votre groupe aujourd'hui. Vous savez très bien que vous êtes un groupe de test. Vous avez quatre teintes pour prouver votre utilité. Vous savez que votre poste de métropolite a énormément coûté. Je ne suppose que c'est un nombre de liges qui vous paraît même pas raisonnable, mais beaucoup de personnes croient en vous, croient en votre unité, et votre futur est bien celle de diriger votre cellule. Avoir des hommes que vous allez devoir commander. Et pour ça, il va falloir que vous commencez à être capable de vous ordonner vous-même. Parce que sinon, je me demande bien combien de poudres seront tirées aux albâtres avant qu'on s'aperçoive le fiasco qu'est votre imposture. Et Alceo, qui, si personne ne prend la parole, qui intervient. Vous savez, ils ne sont en place que depuis maintenant une lune. Ils ont déjà effectué pas mal de boulot qu'on leur a donné. Les gens sont globalement satisfaits. Et à ces mots, Cagno reprend « Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. » D'ailleurs, petit parenthèse MJ, vous vous comportez du coup comment, voyant un peu le ton que prend cette réunion, est-ce que vous fixez surtout Kenyo, est-ce que vous avez plutôt cherché soutien en regardant les gens qui sont à côté de vous, aussi voir comment ils sont, ce genre de choses? Personnellement, je tiens le regard de Kenyo. On sait que je me suis dit, enfin, j'ai tenu tête à ma famille, c'est pas lui qui va me casser les couilles. Mmh. Mais je le dis pas. Ah, effectivement. Sans les raisons familiales de Victor, je reste quand même sur la même position de... Je soutiens son regard, tout simplement. Okay. Pareil. À fond dans le duel de regard, là. Esther? Moi. Okay. Elle dort. Esther, tu pourras faire un test de. Je sais pas, faconde. Oh non, oh, t'es sérieuse. Oh, merde. T'es sérieuse. Tu vas la merde dormir. Si. En vrai, faconde, c'est ce qui marche le mieux, donc un test de faconde. Ah bah, c'est trop bien. Ah, je suis mort de rire si tu dors. Ouais, c'est pas... j'ai fait. 10. Ok. Ah, la chance. Très bien. Bref, la conversation continue assez haussée. Il y a beaucoup de questions-réponses où Alceo prend la parole. Vous voyez qu'il sert un peu de défense, utilisant souvent le mot fait. Il explicite un peu les missions sur lesquelles vous avez interagi. Esther, pendant cette discussion, tu te permets bah, du coup de voir quand même un peu les gens qui sont côte à côte. Surtout qu'à côté de toi, il y a Ellie directement. Sure. T'as un peu plus de mal à voir Alceo. Et il y a deux choses du coup qui te... Enfin, t'arrives un peu à voir leur... Le comportement de chacun, tu vois que Cornelia, Victor et Hugo sont... veulent montrer qu'ils vont pas se laisser abattre par le discours. Ouais, ça laisse pas déstabiliser. Ouais, ouais, par le discours très véhément de Cagny. Et Alceo a un visage quand même très grave. Hein. Vous sentez qu'il est pas à son aise face à Cagny Landini. Ça se sent aussi à sa façon de parler. Bon, la dernière fois où vous l'avez vu, il était... visiblement un peu triste, mais vous savez que normalement il a quand même beaucoup de punch dans sa voix, il a cette habitude de me demander compris sur des choses. Là, il y a rien de tout ça qui transparaît, il a une voix très calme, très posée et en même temps craintive. Malgré tout, hein, son visage grave semble vouloir contenir tout ça en fait. Hein. C'est vraiment en t'y attardant un peu parce que toi tu te permets de voir un peu comment se comportent les autres. Hein, que c'est tu remarques. Façade. Exactement. De l'autre côté, il y a Ellie, qui n'a qu'un œil, hein, je le rappelle, parce que l'autre est sous un cache. Oui, un cache. Et tu vois son œil qui fixe Kenyo, mais avec une grande colère. Vraiment, tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions dans son regard. Il y a quelque chose qui brûle en elle. Hein. Et okay. Si tu t'y attardes un peu plus, oui. Non seulement... Il y a de la colère, mais il y a autre chose, parce que l'œil se semble un peu humide. Très humide, en fait, comme si elle était à une fraction de seconde de se mettre à pleurer, mais qu'elle contenait ça en elle. Malgré tout, la conversation continue. Les autres, vous maintenez votre regard, et vous voyez que Kenyo, ça a l'air de lui faire ni chaud ni froid. Il continue son discours comme il l'avait déjà... commencer. Je voudrais te demander quelque chose. MJ ou Kenyo, excuse-moi. Kenyo. Ok. Tu vois qui? Je vous écoute. On est là pour ça. Il en va sans dire que nos prédécesseurs ont notifié quelque part sur des plaques de cuivre ou sur de la cire. Les bilans de leurs enquêtes. C'était ça. Vous nous l'avez expressément dit un peu plus tôt, vous nous autorisez à avoir à pouvoir récupérer tout ce qui est bon pour nous pour cette enquête. C'était ça. Du coup, pour la bonne tenue et pour aller dans la continuité de ce qui a déjà été fait, nous irons récupérer tout ce que nos prédécesseurs ont fait et nous l'utiliserons pour avancer beaucoup plus vite dans cette enquête. Parce que ça n'a pas déjà été fait. Et tu vois qu'à ces mots, c'est Alceo qui réagit et qui en fait se tourne un peu vers toi. C'est si en fait ils ont déjà récupéré le dossier aux archives. Oui, oui. Cependant, il est pas tout. Enfin, il manque pas mal de documents qui ont disparu avec le temps. Tu vois que Kenyo, c'est pas la même personne. Tu vois que Kenyo, un petit sœur. Ah, je vois. Si c'est de ça que vous voulez parler, vous avez déjà tout en main. Écoutez, je ne souhaite qu'une chose. C'est que vous donnez corps et âme pour mettre la main sur ce barbeau di Procedimento. Vous allez prendre le collier de la misère et enfin damer le pion de ce chevalier d'industrie. C'est tout ce que je vous demande. Je sais bien que ce n'est pas la tâche aisée. Je sais bien qu'il y a des choses. Mais on investit du temps, de l'argent et beaucoup de pouvoir politique en vous. Faut que vous en ayez conscience. De fait, vous devez vous surpasser. Le collier de la misère, ça doit être votre quotidien tous les matins. Je veux qu'avant la fin de votre année, vous ayez mis la main sur ce El Procedimento. Me suis-je bien fait comprendre ? Tout à fait, monsieur. Et s'il faut mettre à la gêne les trois quarts de Venise pour y arriver, nous le ferons. Nous sommes absolument déterminés à mettre la main et à damer le pion à ce chevalier d'industrie, comme vous dites. Et nous sommes... complètement déterminé à faire respecter l'ordre et à faire cesser ce chaos qui s'immisce dans notre magnifique cité de Venise. Parfait. Je suis juste triste que vous n'avez pas dit ça il y a une lune de ça. Oui. Oui, monsieur. Très bien. Pour ce qui est du reste, je vous laisse... vaquer à vos occupations. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Sachez juste que si jamais vous n'arrivez vraiment pas à mettre la main dessus, je pense que ce n'est pas qu'une carrière qui est en jeu. Je pense qu'il est question pour vous de bien plus que votre vie. Après tout, vous savez que nous, grands métropolites, agissons ensemble de cité en cité. Et si par malheur, vous avez vraiment le malheur de nous contrarier, il semblerait qu'aucune de vos familles puisse vraiment échapper. Alors réfléchissez-y et ramenez-moi des résultats. D'accord. Bien entendu. Vous pouvez disposer. Est-ce que les autres... Est-ce que cette phrase était adressée seulement à nous quatre ou à nous six ? Tu ne sais pas trop. D'accord, ben je me lève et j'attends de voir. J'aimerais bien prendre... Tu te lèves. Et tu vois que après un échange de regards, Alceo se lève aussi et commence à vous accompagner jusqu'à la sortie. Cependant, Eilig n'a pas bougé. Je la regarde avec une certaine insistance. C'est un peu ce regard assez empathique pour lui dire, entre guillemets, que j'ai compris que quelque chose n'allait pas et voir si elle semble chercher d'une manière ou d'une autre. Eh bien, malheureusement, ton regard est... Et pas vraiment capté, hein. Elle est toujours en fixée Cagno. Et au bout d'une minute peut-être de silence, elle finit par se lever et vous rejoindre dehors. Ok, je marche à son niveau le temps de sortir. Okay. Vous sortez de là. Et dites-moi un peu... quels sont vos... Enfin, je suppose que vous voulez peut-être discuter un peu, parce que vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous voulez, on... J'imagine déjà qu'il va y avoir quand même un gros blanc, parce que ce qu'on vient de se prendre là, c'est pas... Oui... Il y a effectivement, mais c'est pour ça que je dis que vous sortez, et je considère que vous sortez même du bâtiment institutionnel. Enfin, on fait une peu de temps que voilà. Mm. Et voilà, juste si vous voulez converser, parce qu'il y a encore Alceo et du coup Eilig à vos côtés, je vous laisse du coup. Si vous voulez échanger quelques mots, sinon ça sera. Enfin, on verra sinon ce que vous faites. Dites-moi, Alceo. Enfin, je sais pas comment je l'appelle, chef. Non, mais mon prénom est très bien. Nous sommes du même camp. Je suis désolé si je vous ai mis mal à l'aise en évoquant les dossiers de nos prédécesseurs. Je pensais pas que ça allait peut-être vous mettre mal. Y'a pas de mal, y'a pas de mal. Par contre, si j'ai bien compris... Et au vu des derniers mots de Kaino. Kaino. Parce que Kaino, Kaino, c'est... Kaino, Kaino, pardon. C'est la colère qui me fait fourcher mes mots. Il nous menace, clairement. Oui. Bah, il a très clairement parlé de nos familles, donc oui. Ouais, oui, c'est une menace. Et pas en bien. Et pas en bien. Vous savez, chez les métropolites, il y a vraiment deux grades séparés. Il y a nous. Quand bien même, je suis votre supérieur. Mais les grands métropolites sont au-dessus de tout ça. C'est une dizaine de personnes qui font en sorte qu'il y ait une entente à travers les cités. Et comme leur mission est de diriger la toile entière, vous doutez bien que ça leur donne des certaines ailes. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris, malheureusement. Vous savez, c'est un peu ça qui m'a fait fuir ma famille, les miens. Cette supériorité nauséabonde de ces gens qui pensent être meilleurs que les autres. La différence, c'est que lui, il pourrait supprimer absolument la moitié du ministère que personne ne devrait doit. Mais il ne faut pas se laisser abattre, vous savez. Malgré tout, moi, je suis fier de vous, compris. Et non seulement je suis fier de vous, mais vous avez déjà beaucoup accompli. Je sais que ce qu'il vous demande est tout sauf aisé, et il a osé vous donner une date à respecter. Et je crois en vous. Vous pouvez le faire, vous êtes... Vous avez pour l'instant très bien fonctionné, vous vous connaissez d'il y a quelques années. C'est un groupe qui, je pense, peut marcher, et Ellie confirmera de son côté, mais vous pouvez le faire, compris ? Compris, merci de votre confiance. Vous savez, Ellie et moi, on est là pour vous, si vous en avez besoin. On fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, mais sachez qu'on est toujours là pour vous donner un coup de main. Merci beaucoup. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Par où on commence ? Tu vois, c'est que... On déverrouille notre code du QG et on espère qu'il rentre. Et on l'attend derrière comme dans un mauvais plan de Scooby-Doo. Ouais, je pour pense le capturer. Que si ça avait été aussi simple, ça ferait longtemps qu'il serait déjà mort. Non, par contre, je demande à Ali et Alcio, si jamais nous souhaiterions vous contacter, par où devrions-nous... y a-t-il un moyen assez efficace pour communiquer avec vous, je veux dire. Tu vois que c'est Alcio qui te répond. Et ouais. Toi qui t'adresses à Ellie, tu vois qu'elle est... Elle est vraiment tremblante, tu vois. Genre, elle est vraiment pas dans son état. Et tu vois, c'est eux qui vont... Vous savez, si vous demandez de venir à votre QG, on s'en rendra. Et s'il est sécurisé, tout devrait bien aller. Quoi qu'il en soit, vous pouvez nous contacter par n'importe quelle méthode. Appelez-nous, contactez-nous. Bien sûr, pas de soucis. On est vos supérieurs, mais... Le classique. Je crois que vous avez compris que l'affaire, enfin votre cellule n'est pas la cellule la plus banale du mystère. Le QG Indigo des notes. Sachez très bien, je vous remercie. Non, assez audi juste, évitez juste bien entendu de mettre les informations dans le message pour nous contacter. C'est rarement une bonne idée. Mais si vous voulez, j'ai une super idée de cryptage à vous proposer. Ça commencerait par « Hey, joli cœur », tu vois. Non. Par contre, du coup, juste après, je me retourne, comme si on avait finalement fini la conversation, puisque c'est un petit peu le cas, je me retourne juste vers Ali, comme si, du coup, je parlais plus vraiment des enquêtes en cours et que, tu sais, on repassait un peu sur une base neutre, et d'un ton assez naturel, je lui dis « Vous semblez pas vraiment dans votre état, ce que vous voulez que je vous accompagne jusqu'aux toilettes ?» tu vois que elle t'échange un regard et on finit par acquiescer de la tête. Ok, à ce moment-là, je la prends par la main et je me dirige vers tes toilettes les plus proches en espérant qu'il n'y ait pas grand monde à l'intérieur pour tenter de discuter dans un cadre un peu plus privé. En tout cas. Vous allez au retrait. Au retrait, c'est le nom. Ouais, il me semble que c'est l'expression. On peut vérifier, mais. Je vais regarder dans les. Il me semble que c'est l'expression de l'époque, au retrait. Et si je me suis trompé, désolé. De l'époque. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça, en effet. Okay. C'est en effet. Oh là là, qu'est-ce que je suis forte. Voilà, tu dans cette petite salle isolée, du coup, tu vas pouvoir mener la conversation. Tu te doutes bien que c'est pas elle qui la commence. Bien sûr. Du coup, en effet, je l'aborde et je lui fais bon. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Enfin, je vérifie, par contre, qu'il y ait personne d'autre dans les parages, tu vois, évidemment. Qu'il n'y ait pas de doyen discrète. Mm-hmm. J'imagine qu'on trouve au moins un moment. Ou alors, c'est quelqu'un, on attend que la personne sorte. Allô ? Oui, non, mais il y a personne, ouais. Personne. D'accord, parfait. Et du coup, je lui fais. Vous semblez hors de vous depuis la réunion de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez parler et que vous ne pouviez pas aborder à cause de l'enregistrement ou de quoi que ce soit d'autre ? Tu vois que tu vois dans son visage en fait vraiment toute la pression qui est en train de. Si jamais en effet je vois qu'elle est en période, si elle fond en larmes ou autre, j'essaie de l'accompagner de manière un peu humaine. Je veux de la soutenir, soit physiquement, en la prenant dans mes bras, ou même, enfin, tu vois, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Si elles ne font pas en larmes, il y a quand même des larmes qui coulent alors qu'elle commence à prendre la parole. Tu vois que elle prend sur elle, elle a la voix toute cassée. C'est vraiment une voix comme si elle avait tellement serré les mâchoires, tu vois, que même sa corde vocale, en fait, avait fini par se serrer. Bien sûr. Et elle te répond... Disons que je supporte pas la personne. Il y a des raisons. Est-ce qu'il nous cacherait des choses ? Non. Enfin, rien de particulier. Des choses dont vous êtes pas au courant, mais... Cela semblait pourtant relativement grave. Est-ce qu'il vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre ? Fais-moi un petit jet de faconde. On va dire que c'est pour de l'empathie, mais fais-moi un petit jet de faconde. Ouais. Ok. Ok, j'ai fait 9. J'en profite également pour dire, puisque je sais qu'il y a une relation du coup qui est un petit peu étrange, étant donné que c'est censé être supérieur, que j'essaye de mettre stat de côté au mieux, tu vois, enfin, pas qu'elle se sente mal à l'aise par rapport à ça, tu vois, de vraiment essayer de lui parler d'humain à humain et pas, par exemple, de manière professionnelle, d'une manière professionnelle quelconque qui peut la mettre mal à l'aise, du coup, de paraître faible devant les gens qu'elle est censée mentoriser. Tu vois que, à ta question, en fait, tu remarques qu'elle se retient énormément, mais les larmes commencent à couler de plus en plus. Ça résiste et à vrai dire, elle te répond pas par la voix, elle tend juste la joue sur laquelle il y a une énorme cicatrice qui est d'ailleurs apparue plutôt récemment, puisque je rappelle qu'elle ne l'avait pas lors des préludes et ce genre d'événements qui se passaient tôt dans la campagne, et elle a cette énorme cicatrice du coup sur la joue. Si vous voulez dire que c'est cette espèce d'enfoiré qui vous a fait ça ? Et alors que les larmes coulent de plus en plus, elle valide juste de la tête. Tu vois que là, pour l'instant, la parole a l'air d'être compliquée à reprendre pour elle. Mais pourquoi ? Tu vois qu'elle n'arrive pas à répondre. Elle essaie de parler, mais... Il y a ça... Tu sens que ça bloque, en fait, et les larmes coulent de plus en plus. Si... Il n'y a pas de souci si vous voulez, nous pourrons parler une autre fois, mais j'ai l'impression que qui voudrait mieux ne pas laisser ça... Comment dire ? Que vous ne le gardiez pas pour vous, que... Quoi qu'il se soit passé, j'ai l'impression que cela est en train de vous détruire et qu'il serait primordial de vous en libérer et que nous trouvions une manière de vous protéger d'une manière ou d'une autre. Enfin, je... Okay. Elle acquiesce et... Elle semble en fait vouloir te... Tu vois, elle lève les bras comme pour demander un câlin de réconfort. Ouais, bien sûr, bah, je la prends dans mes bras, ouais. Tu vois que... Ça... Une fois dans tes bras, en fait, elle fond vraiment en larmes. Mm. Ça... Tu peux, du coup, voilà, la réconforter. Ça a duré quelques bien minutes. Sûr. Elle finit par reprendre un peu sur elle et simplement te dit merci. Et... Si jamais il y a un verre qui traîne, je lui sers un verre d'eau au robinet. Alors, il n'y a pas de verre qui traîne, mais malgré tout, voilà, tu peux quand même l'accompagner un peu, se rincer le visage. Et une fois qu'elle reprend un peu sur elle, hein, pas tant, il n'y a plus rien, mais qu'elle arrive à recontenir un peu ce qui vient d'être titillé du doigt, elle te fait signe de retourner tout simplement auprès des gens, et elle finit par se rincer le visage. Ok. Bon, bah, je fais ce qu'elle me demande. Et je lui invite juste au moment de passer la porte de venir nous voir à n'importe quel moment, que ce soit juste moi ou même en présence de certains des autres, c'est comme elle le souhaite. L'important étant qu'elle se sente en sécurité. Et bah, tu vois qu'elle acquiesce. Et elle continue à se rincer le visage, sûrement pour effacer toutes les traces, hein, bien entendu, du plat. Et tu vas du coup retourner auprès de tes amis. Vous finissez par être rejoint par Esther, hein. Sans Elig pour le coup, qui en fait tout simplement vous rejoindra quelques minutes après. Et votre groupe va effectivement se séparer. LCO et Elig vont partir dans leur côté, là où vous quatre, vous allez aller au QG. Et je doute que vous avez forcément des questions, mais... Les questions sont pour un tout petit peu plus tard. Puisque, en fait, votre trajet est assez rapide, hein, grâce au super vélo. Puis, bon, discuter à voix haute, 4 personnes en vélo, de un peu ce qui vient de se passer, c'était un peu compliqué. Mais, une fois que vous arrivez au QG, ce qui vous frappe surtout, si... Oula. Excusez-moi. C'est un peu lent chez moi. Ce qui vous frappe surtout, c'est la porte qui est ouverte du QG. Comment vous réagissez ? J'avance. Elle a l'air d'être ouverte, genre on l'a laissée ouverte ou on l'a forcée. Elle est entre-ouverte. Mais est-ce qu'il y a des traces de forçage au niveau de la serrure, par exemple ? Pas forcée. Ok, je rentre à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur et tu vois en ouvrant la porte, le rez-de-chaussée est complètement vide. J'appelle Sophia. On n'avait pas des meubles ? Vide de personnes. on sait juste combien d'étages. C'est Cornilov. Non, vraiment, j'appelle Sophia. Ouais. T'appelles Sophia. Moi et... aussi. Hein. Oui. Une légère voix vous répond de l'étage et qui tout simplement répond par ton prénom, Esther. C'est la voix de Sophia. Oui. Ok, je m'y précipite. Enfin, pas toute vitesse non plus, mais j'accélère dans cette direction. Tu vous montez les escaliers et toi en première, hein. Et quand tu en fait arrives sur le palier du premier étage, il y a Sophia qui par contre se jette dans tes bras, pas tant dans un geste romantique, hein. Là pour le coup c'est vraiment, tu sens qu'elle a eu peur, oui. Qu'elle a besoin d'un réconfort. Hein. je pense que c'est... Mais non, voilà, je préfère indiquer. Y a pas de... Et tu vois genre Sauti contre toi et... Qu'est-ce qui se passe? La même ombre que... La même ombre, un homme masqué et tu vois qu'elle t'indique du doigt la table qui se trouve derrière elle. Je regarde. Enfin, attends, derrière elle, ça veut dire pas de là où d'on vient? Oui, derrière elle, sur... Oh putain, je regarde et c'est limite, je la tourne légèrement en même temps dans... Bah, de toute façon, que je me trouve... Nous, on y va aussi, quoi. On est... Moi on et les autres. Aussi, ouais. Moi, j'ai l'arme à la main. Ouais, ouais, là, je pense que je vais laisser les autres avancer, évidemment. Ils sont plus équipés que moi. Vous avez, elle t'indique... J'ai trouvé ça devant la porte. Je regarde ce qu'elle me montre. Eh bien, bah, tout simplement, vous vous rendez autour de la table sur laquelle se trouve une plaque de cire. Et, tout simplement, vous vous approchez et... Qui est le premier, du coup, à le lire? Je vais mettre juste le message en chat, mais savoir qui je le lit à voix haute. Je pense que je vais aller en dernier. En dernier. Ouais, je pense que je tiens entre guillemets Sophia, je laisse les autres avancer. Bah, okay. Je suivais Esther, donc... Ouais. En fait, je suis con, mais en fait, moi, au début, j'avais compris que l'ombre de la dernière fois, elle était derrière, en fait. Genre, elle était cachée quelque part dans la pièce, c'est pour ça que j'ai... Non, mais y a pas de souci. C'est la plaque, on vous montre. Je passe Esther et... Mais en même temps, ça aurait pu être ça. Quoi qu'il en soit... Ouais, on serait vraiment arrivé pile poil au pire moment, quoi, mais bon... Effectivement, quoi qu'il en soit... Tu peux lire à voix haute, Victor. Si vous voulez comprendre, je vous mets au défi. Devinez la prochaine victime. Vous avez jusqu'au 3 Verdé 1131. Merde.